Andrancière, tu sais pas ce que ça veut dire, mais selon Google, ça veut dire une plaisanterie burlesque. Wow! C'est genre fucking parfait! Wow. En fait, je suis content que tu l'expliques parce que moi non plus, je le savais. Mais une facile, c'est comme une joke, c'est comme jouer des tours, là. Dans ma tête, c'était ça, là. Mais plaisanterie burlesque, c'est bien meilleur. Ah ouais, j'ai pas fait les courses. Tu aurais peut-être updater le texte pour dire il neige encore, est-ce une plaisanterie burlesque de la nature? Toute qu'une plaisanterie burlesque. Pour me faire réutiliser la même publication que la semaine passée. En tout cas, ce matin, mon chat a trouvé que la plaisanterie burlesque était pas très drôle. Tu sais, quand t'ouvres la porte pis que le chat, il a l'air genre « Wow, fuck this ». Ok, moi, je lance une... Je propose une décision exécutive pour qu'on renomme la neige plaisanterie burlesque. Plaisanterie burlesque. La neige en mois d'avril. Juste au mois d'avril. Il tombe de la plaisanterie burlesque en ce moment dehors. Il y a une grosse tempête de plaisanterie burlesque. Il s'accumule. Là, quand t'as une vieille télé que l'antenne ne marche pas, il y a plein de plaisanteries burlesques dans l'écran. Oui. Avec du poêle de fourrure, c'est l'effet que ça fait. Là. C'est plein de fourrure. Ça fait des poches d'or. Ouais. Du poêle de fourrure, c'est comme... C'est la fourrure qui a du poêle dessus. C'est que chaque poêle c'est a juste un le poêle. Petit mini manteau de poêle. Oh. Bon, je pense qu'il est temps qu'on commence ce puré de podcast. Alors, nous sommes le jeudi 16 avril 2020. Écoutez, on a juste une vie, épisode 270. Je suis Narf. Je suis Blob. Et je suis Anne-Marie. Et on a des manteaux en poêle de poêle. C'est du poêle de poêle. Parce qu'il neigeait. On dit il plaisantait burlesque. Mais c'était vraiment une vraie plaisanterie parce que genre il neigeait plus, c'était vraiment bizarre. Aujourd'hui? Ouais. J'ai pas remarqué, moi un moment donné je me suis tourné la tête, j'ai fait « Ah ben, il neige ». T'as pas un chat à sortir. C'est où ça dehors déjà? Ouais, c'est ça. Mais ça fait 2 semaines que tu travailles chez vous. Que t'es chez vous. Je suis juste au courant parce que mon chat il sort. Vous souvenez-vous du soleil? Des manteaux en poil de fourrure. Il y avait une grosse cochonnerie brûlante dans le ciel. Dans mon temps. Si tu restais à ça en dessous, tu pouvais brûler. Hey, tu parles. Savez-vous c'est quoi un coup de soleil? Je me rappelle plus. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. Il va y avoir des vidéos. Dans 2 ans, moi je le call. Il va y avoir des vidéos YouTube. C'est quoi, avec un gros truc jaune, un gros rond jaune avec une flèche rouge. Puis là, une face d'ado ayant l'air comme ça. Là, parce qu'ils font toujours des faces comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, c'est comme « Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est! » Si vous n'êtes pas né dans les années 2020, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est! Où il va y avoir des groupes comme qui pensent que la Terre est plate qui vont dire que le Soleil c'est un hoax. Que ça a jamais existé. Mm. Ben ouais. C'est oui. J'ai aucune idée de quoi que c'est qu'on va parler à soir. Ben je pense que moi et Blob on a chacun de quoi, fait que. Moi, j'ai des affaires qui traînent depuis très longtemps sur la feuille de route. Aha. Fait qu'on pourra en parler tantôt, peut-être. Parce que, honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai joué avec mon synthé. Puis, je me suis fait. Comment qu'il va le synthé? Il y a une courbe d'apprentissage, mettons. c'est pas un synthé que t'achètes, puis là, il y a tout de ça dessus. Tu sais, comme là, tu sais... Là, mon Raspberry Pi est dans son petit boîtier avec l'écran tactile. Ça marche. Fait que je le branche dans le mur, il s'allume tout seul. Là, je pars le logiciel que j'utilise qui s'appelle Sunvox, qui est un logiciel pour faire des. Qui est open source, je pense. Et qui est. Mais en tout cas, qui est gratuit et qui roule sur tout, incluant les vieux ordi. Ça roule aussi sur Mac, Linux, Windows, iPhone, Android. Sur mobile, par exemple, c'est payant. Parce qu'il faut bien acheter les licences pour mettre ça là-dessus. Puis, mais l'affaire, c'est que comme, ben, c'est un logiciel super complexe qui fait tout. Fait qu'évidemment, quand un logiciel fait tout, c'est comme, let's go pour l'apprendre. Fait que là, tranquillement... Allô, les tutoriels. Ben, je gosse beaucoup, je check un peu de tutoriels, mais pas tant, surtout du gossage. C'est comme, ah, qu'est-ce que ça fait si je branche ça dans ça? Ah, ça fait rien. Qu'est-ce que ça fait si je branche ça dans ça? Ah, il fallait le brancher dans l'autre sens. OK, le sens est important. Ouais. OK. C'est... Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ah, du bruit gossant. Ça, là, une large production de bruit gossant. Tu sais, Blob, tu me disais l'autre fois, il me semble que c'est toi qui me disais ça, genre, c'est un modèle génératif au lieu de subtractif, là, je sais plus de qu'est-ce que tu parles. Tu parlais de ma... Ouais, je disais que moi, j'étais habitué de travailler avec de la synthèse soustractive, puis tu peux faire de la synthèse additive, mais la synthèse additive, c'est relativement rare, c'est plus théorique qu'autre chose, quoique aujourd'hui, c'est un peu plus accessible que ça l'a déjà été, parce que ça prenait beaucoup de matériel. Mais il y a un intermédiaire, il y a comme une façon de faire semblant que tu fais de la synthèse additive qui s'appelle de la FM, de la Frequency Modulation. Ah oui, j'essayais de gosser. Il y a un module de FM, puis c'est de la grosse boîte. C'est un petit peu compliqué à comprendre, ouais. C'est ça fait du ça sonne Sega Genesis. Dégueulasse. Ben, c'est justement une chip de synthèse FM qu'il y avait dans un Sega Genesis, basée sur une chip Yamaha, qui sont, je crois, ceux qui ont inventé la technique. Fait que oui, ça sonne comme si tout est un espèce de truc en métal digital. Comme si tout est un espèce de guitare bizarre. Ça sonne avec... Ouais, ça sonne guitare distorsion moche. Puis tu sais, je me souviens que tu m'avais dit que genre les gens qui faisaient de la musique pour Genesis, ils trouvaient ça tout le temps bien compliqué. Ben ouais, là, je comprends pourquoi c'est compliqué. La théorie est pas super compliquée. Dans le fond, quand tu veux faire un son qui est beau, faut que tu essaies d'avoir une onde de base qui est intéressante. C'est comme, mettons, tu joues une note de violon puis tu la regardes dans Audacity, c'est quoi la shape que ça donne. Si t'es capable d'imiter la même shape avec ton matériel audio, puis après ça, que ça se répète, ça va jouer une note qui sonne comme un violon. Mais ça, c'est comme compliqué. Pour le faire en FM, faut que tu partes avec des morceaux simples puis tu leur dis de se répéter sur eux-mêmes à une autre échelle. Fait que la meilleure analogie que j'ai, c'est comment ils ont fait certains terrains procéduraux dans des jeux. Fait que là, ils ont un terrain, mettons, c'est comme un petit peu une plaine avec des boss, puis à côté, il y a une grosse montagne. Mais c'est pas très beau, c'est pas très détaillé. Mais si tu prends ça, que tu le rapetisses, puis que tu l'additionnes à plusieurs endroits sur ce que tu as déjà créé, ça va refaire un schéma de boss puis de montagne, mais miniature, ça va rendre ton terrain plus rugueux. Si tu fais ça plein de fois, à plein de sortes d'échelles, puis en faisant pas juste les additionner, mais des fois à multiplier, puis n'importe c'est quoi, comme ça fait... genre? Ouais. Dans une certaine mesure. Mais c'est pas la seule façon de combiner tes fréquences, mais c'est la façon la plus facile à comprendre, je dirais. Fait que c'est un modèle d'opérer un truc de FM, c'est de faire ça. Souvent, t'as... mettons quatre opérateurs, puis tu peux les brancher l'un dans l'autre dans différents ordres avec différents niveaux de puissance. tu peux avoir un certain degré de feedback ou pas. Vite, vite, ça devient très compliqué de savoir, OK, je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est relativement chaotique. Fait qu'il faut que tu connaisses un peu ta science pour dire, là, je fais ça, ça va donner telle chose. Honnêtement, je suis à ce stade-là pour tous les modules. C'est comme je branche des affaires, puis je suis comme, ah, ça fait pas pantoute ce que je pensais que ça allait faire. Et si tu veux faire de la synthèse soustractive, c'est beaucoup plus facile. Fait que dans le temps, il prenait, je sais pas moi, un pulse, une onde carrée, parce que c'était facile à faire avec genre une résistance puis un condensateur. Comme des morceaux super cheap, puis tu étais capable de faire un pulse. Là, après ça, tu mettais un filtre dessus. Mettons un high-pass filter ou un low-pass filter. Parce que le truc, c'est qu'un pulse, on dit que c'est riche en harmoniques. Si tu enlèves des harmoniques dedans ton son, tu viens de changer ton pulse puis de faire un son qui peut être beaucoup plus intéressant. Là, c'est sûr, ça s'explique mieux avec des images. C'est plus le fun de voir comme, OK, l'onde, elle devient de quelle forme quand tu t'amuses avec des filtres. Mais en gros, quand tu mets un low pass, tu laisses passer les harmoniques plus larges. Fait que ça veut dire que ton son, il va être un petit peu plus doux. Il va être moins grinçant, mettons. Ouais. J'ai vu un quand vidéo, tu fais le contraire, ben ça devient grinçant, mais... Peut-être que c'est ça que tu veux. Ouais. J'ai vu un vidéo d'un gars qui parlait d'un autre logiciel, puis qui, justement, il y avait un... Comment t'appelles ça, là? Ça dessine... pas juste la wave, là, mais ça, comme ça laisse une trace, puis là, ça fait des couleurs. Un spectrographe, je pense. Ah oui, je cherchais le mot moi aussi, mais je pense que je sais ce que tu veux dire. Comme, puis là, ça faisait un... Ou un oscilloscope. Ouais, peut-être. Mais l'oscilloscope, ça va juste dessiner la wave. Ça va ouais, pas... Ça a pas une... Ça laisse pas une trace. En tout cas, moi, ça fait plus... Tu sais, t'as les fréquences, fait que là, plus... Si c'est à... Plus c'est à gauche versus à droite, c'est plus grave versus aigu. Après ça, plus c'est foncé, ça veut dire plus cette fréquence-là est forte. Puis ça monte tranquillement. Fait que c'est comme si ça s'est imprimé. Puis là, ben, j'ai activé ça dans mon Sunvox. Puis là, ça aide pas mal à faire comme genre, ah, ça sonne gossant parce qu'il y a plein de... Il y a une petite boîte de fréquence gossante ici. Fait que là, je peux aller mettre un petit truc pour l'enlever, mettons. Ouais. C'est bien compliqué. Puis là, je fais comme, ah, puis là, on va mettre de la reverb. Puis là, comme, oh, nice, ça sonne vraiment cool. On va en mettre full. Oh, shit, là, ça sonne le cul. Puis là, mon petit son gugu, ma sine wave, mon triangle, comment t'appelles ça? Saw wave? Le sawtooth. Qui est comme un peu cul. Puis là, tu fais comme, oh shit, là, c'est comme un petit son de cul, mais c'est une chorale dans une cathédrale! Ouais, ben le sawtooth qui est particulièrement intéressant parce que c'est celui qui ressemble le plus à la voix humaine. Fait que quand tu vas le filtrer, tu vas avoir des sons qui sont relativement plaisants parce que notre oreille est habituée d'entendre ce type de son. Et puis, quand tu vas filtrer ça, dans le fond, c'est que si tu laisses passer les harmoniques plus aiguës puis les hautes fréquences, ça va sonner plus comme le son. Tandis qu'à mesure que tu descends, plus tu vas laisser passer juste les fréquences basses, ça va sonner comme « ou ». Là, en plus, tu aurais, je sais pas moi, un effet qui est capable de faire varier ton filtre avec le temps. Ton son, il pourrait faire « oui, oui, oui ». Ah, mais ça... Il y a un module qui s'appelle genre chorale ou je sais pas quoi là. Human voice en tout cas. Puis tu peux justement changer des paramètres puis là changer quelle forme de bouche que tu fais. Ah ok, ça c'est intéressant. Tu peux synthétiser des voix puis faire ta propre Tsunemiku. Wow. On va faire Tsunemiku vers son arf. Je suis capable de faire. Ça c'est uniquement quand je gosse avec le piton. Fait que pas encore rendu à faire des sons complexes puis encore moins des consonnes. Ah. Ben, écoute, c'est sûr que si tu veux chanter la chanson mexicaine, voilà. En tout cas, je me souviens plus du nom, là. Mais chanson c'est comme... pas de consonne? Ben, c'est la chanson qui fait genre... Aïe, aïe, aïe! Bon, après ça, je me souviens plus des mots. Là. Ça a l'air compliqué. Mais là, aïe, aïe, aïe, aïe, ben, t'es comme, tu gosses avec le piton, tu fais comme, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Ouais, ça ressemble à un filtre relativement simple, puis ça fait la job. C'est assez magique. Je voyais dans une vidéo, puis j'étais comme, oh, wow. On peut faire ça. Puis là, j'ai essayé de brancher mon module FM dedans. Puis là, ça sonnait comme le cul. Puis j'ai fait, bon, c'est pas magique. Rien de magique là-dedans. C'est là que tu te rends compte, en fait, que genre, tu sais, toutes les vidéos de synthé là, que tu vois, genre, tous les vieux synthés analogues, en fait, ce qu'ils faisaient, tu sais, ils te montraient, il y avait plein de pitons. Puis là, c'est comme, oh, wow, on peut faire tout. Mais comme ils étaient déjà comme pré-calibrés puis pré-connectés pour que. Pour te donner, genre, voici un thème. Dans tout l'univers des possibilités de choses que tu aurais pu faire avec ces pièces-là, on les a branchées d'une certaine manière pour que tu puisses avoir du fun. Peu importe, ça devrait sonner quand même intéressant. Alors que c'est comme faire du basic avec des petites roues, mettons. Mais là, moi, là, okay. Je n'ai pas des petites roues. Je sais pas si tu as encore Fract OSC, mais tu pourrais réouvrir ça puis voir qu'est-ce que ça peut t'apprendre. Effectivement. Je l'ai jamais fini, je suis restée genre jammé, puis là je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est juste recommencer. Jammé. Dans un jeu de musique. Ah, mais c'était si bon ça, guys. Non, c'est tellement. C'était bizarre, moi je savais pas comment l'interpréter. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme une pièce musicale. Le jeu? Ouais, ben c'est comme si... Interpréter le symbolique, mais tu sais, comme quand t'interprètes une toune. Ouais. Mais il faut... Tu sais, il faut que tu réussisses des puzzles pour avoir droit à ta toune. Ouais. Pour unlock l'album, mettons. Ben, ouais, tu sais, le jeu est bon. Fait que ce que je dirais à quelqu'un qui veut arriver tout de suite à la musique, c'est essaye-les, puis si t'es vraiment pogné, va chercher un walkthrough juste pour comme ouvrir l'outil au complet. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, c'est pas grave. Il y a des puzzles que j'ai trouvé durs. Comme justement, un coup que t'as fini de te déplacer puis d'activer des affaires, puis quand t'arrives vraiment devant une table avec des fréquences, puis tout, il y en a que j'ai pas réussi à faire. Parce que je comprenais pas qu'est-ce que ça demandait. Puis pour moi, je connaissais juste peut-être pas assez bien ça, mais je suis allée chercher un guide, puis je veux dire, le résultat était quand même vraiment super satisfaisant parce que c'est visuellement, c'est auditivement satisfaisant, mais visuellement aussi, tout comme. L'univers 3D du jeu réagit à la toune. Ça, c'est vraiment cool. Tout se met à bouger puis à s'activer au son de la toune. Puis... Comment ça se fait que j'ai jamais joué à ça? Oh, c'est quelle honte. Vraiment. Il y a quelques... Peut-être pas défauts, mais compromis dans Fract. Là. Entre autres, ça va t'apprendre à utiliser un séquenceur qui est peut-être pas quelque chose que tu as besoin si tu veux juste gosser avec un clavier sur ton synthé. Ça vaut genre 16$. Ouais. Je l'ai déjà. Probablement plusieurs fois. No excuse. Qu'est-ce que t'as dit, Blob? Ça t'explique comment utiliser un tracker. Ouais. Comme je disais, qui est peut-être pas un outil que t'as besoin si tu vas juste piloter ton synthé avec un clavier. Mais possiblement, il y a un tracker dans Sunvox. Non, un tracker, c'est cool. Oui, tracker, oui, il y en a absolument un. À force de gosser, j'ai réussi à mettre 4 notes dedans. J'étais comme, bon, ça va être assez pour asseoir. On réessayera ça une autre fois. C'est comme, comment dire... Tu sais, je parlais l'autre fois des jeux de Vin Lulin Vega, le gars qui avec sa blonde qui sont dans un bateau au Japon. Là. Oui. Ouais, oui. Qu'ils font des trucs ésotériques. Enfin, ésotériques, ouais, c'est pas mal ça le mot. Ah ouais. Comme t'as l'impression d'utiliser des runes magiques. Là. Comme c'est juste que ces runes magiques là, ça donne que c'est des symboles informatiques qui ont l'air d'ordinateur. c'est le mélange. Mais tu sais, les ordis, dans le fond, c'est ça, là. Comme, c'est pas mal ésotérique. T'écris... les magiciens qui écrivent des sortilèges sur un parchemin, puis là, ils peuvent prendre le parchemin puis rouler le spell. Mm-hmm. Ça, c'est pas mal, c'est comme vrai. Écrire un script, puis là, rouler le script, puis ça fait tout seul. Hmm. Puis t'as pas besoin de le réécrire à chaque fois. Ouais, ça ressemble à ça. Puis il y a une batterie dedans. Dans le synthé, dans le spell, dans l'ordi. Dans le spell. Dans le scroll. Dans cet amana. Ah, ok, ouais. Dans le parchemin. Ah, je vois. Fait que, ouais. Prochaine étape, là, c'est. J'ai commandé une petite carte de son cheapette parce que c'est du Raspberry Pi à lag, le Chris. Ensuite, ça va être de trouver un clavier MIDI. Mon père est supposé de me ramener. J'en avais un avant, il y a très longtemps. Là, mon père s'est acheté une affaire full fancy, genre de piano mécanique, comme avec des vrais marteaux dedans, mais ça se fait du MIDI. What? Ouais, comme mon père, des fois. C'est tellement cool, ouais. Un piano à marteau. Comme, puis, regarder dedans, comme, là, c'est un plaisir. Ça vaut comme 2000$, un affaire de même. Oh my god. Ou 700. En tout cas, un gros prix fou. Puis là, il s'est acheté un banc de piano à je sais pas combien de piastres. Puis là, le pied pour mettre son clavier, comme... Ah, oh, ça, c'est 200$. Puis là, puis là, ça fait même pas de son encore, là. Mais voyons donc! Ça fait même pas de son. Des speakers? Puis là, il branche ça dans son ordi. Puis là, ben, il a acheté un logiciel qui coûte, je sais pas moi, 300 ou 700$. Puis là, qui peut comme émuler tous les pianos. OK. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir des marteaux de bord? Pour que ça file puis ça capte le vrai... Mais c'est pas le vrai son? Feeling. C'est pour la vélocité puis la pression que tu mets. Dans le fond, c'est comme si c'était acheté une manette qui est un piano avec différents niveaux de pression puis de vélocité de notes, puis ça le transmet à son logiciel, puis son logiciel, il va jouer le son avec la bonne force. Mais ça existe, ça? Ça existe des synthés comme ça? Oui. Oui, oui, oui. À moins que ce soit la même affaire que ce que tu veux dire puis ce que je pense, là, mais il y a des synthés avec des touches, genre, qui calculent la force de ta touche. Hein? Ah, oui, oui. Mais comme, quand t'es maniaque, comme certaines personnes, tu veux pas une émulation de touches. Tu veux pas une touche avec une pressure sensitive comme un vulgaire bouton de manette de PS2. Non. Quoi, c'était pressure sensitive dès la PS2? Ouais, puis maintenant aussi les manettes de PS4 et compagnie. Celle de PS5, les triggers vont avoir des résistances. Des résistances. Je suis hype pour ça. Oh. Comme mais il n'y avait pas ça sur la Xbox. C'est ça, les marteaux que ça donne, c'est la résistance. Ah. C'est ça. Fait que là, ça va transmettre peut-être la force que tu as mis, mais ça va pas retransmettre de la force dans ton doigt. OK. Ouais, mais ils ont pas un piano normal, ça a pas une résistance adaptative là. Non, mais il y a comme un poids dans les touches que OK. T'imites pas nécessairement avec un synthé parce que comme tu pèses puis là ça c'est réellement le même mécanisme avec le même marteau qui s'en va appuyer sur une fois tu sens le ballon, là? Tu sens le ballon, ouais. Il y a un swing dans la touche. OK. En tout cas, pour des gens qui sont un peu maniaques, ben, il existe ça. J'étais comme, mais c'est quoi le but? Puis il dit, ben, sais-tu combien ça vaut un piano à queue? Il dit, là, ça va sonner comme un piano à queue. Mais de toute façon... Mais genre 10 fois moins cher, puis j'ai pas besoin de l'accorder 2 fois par année. Puis il y a l'espace aussi, comme un piano à queue, c'est cool. Et il y a de la place pour ça. Même si tu peux avoir un piano à queue, tu peux avoir un piano carré. Ouais, il y a ça, par exemple. Mes parents, ils ont piano carré avec des marteaux. Un piano droit. Un piano droit. C'est un vrai piano droit. Mais il est vraiment désaccordé. Genre, vraiment. Tu le réaccordes. Je pense qu'il est rendu trop vieux pour être comme désaccordé. Il a peut-être pogné l'humidité aussi, en tout cas. Ah bon, c'est sûr que là... Mais ça y donne... si tu joues une toune joyeuse, là, ça donne cachet. Vraiment... Ouais, un cachet de piano désaccordé de vieux saloon western. Mm. Ça a quand même un style. Ça, je sais pas si mon père va être capable d'avoir un piano saloon. Quoique. Mais si ce qu'il a acheté, c'est un contrôleur MIDI, il peut probablement faire des systèmes d'accords dessus. Hein. Mm-hmm. Il pourrait l'avoir en microtonal ou ben le mettre en tempérament égal. Ben c'est le logiciel après ça. Comment ouais, c'est ça va être comme c'est genre pro piano ou un espèce de nom de même, là. Piano God. Eh non, Pianotech. Je pense que c'est Pianotech. Puis comme ça, c'est une affaire. Là, on n'est plus dans les jeux vidéo, pas en tout. Ça là, fait mais... une demi-heure qu'on n'est pas dans les jeux vidéo. C'est genre, il dit, non seulement tu peux choisir quel style de piano que tu veux, genre quelle marque, c'est comme, mm-hmm. est-ce que tu veux... Ça sonne pas pareil. Un machin ou un bidule ou un truc. Puis quand, d'ailleurs, quand tu l'achètes, t'as juste droit à 3. Oh shit! Les autres, ils l'achètent en extra. Il y a du DLC, mais c'est du DLC à 300$ chaque. Oh. Au moins, c'est pas des loot box. Oh non, j'ai un vieux Yamaha. Tu sais pas si tu vas pogner un Casio. Ouais, c'est ça. Moi, je serais content. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, fait que... Puis là, ce qu'il me disait, c'est que là, chaque corde est simulée mathématiquement, puis là, tu peux placer des micros virtuels dans ton piano à des endroits différents. Tu sais, tu peux positionner comme en 3D le positionnement des micros virtuels qui vont capter le son des cordes virtuelles qui sont tapées par le MIDI, qui est contrôlé par un piano mécanique. Because! Ben, c'est vrai que si t'ouvres ton piano à queue pis tu mets le micro dedans, dépendamment où tu le mets. C'est sûr. C'est pas fou. C'est pour ça qu'idéalement, tu le mic'es pas pantoute pis t'as une salle dont l'acoustique permet de bien entendre à tous les sièges. Mm-hmm. Avez-vous déjà été à la salle de l'OSM à Montréal? C'est laquelle? Ben, la entre guillemets, nouvelle. C'est-tu la salle de l'OSM? C'est la salle symphonique, je pense. Je suis pas sûre. La... Non, moi, je suis jamais sorti. C'est la maison symphonique. Arts, mais... Oui, merci, Dranzior. Oui, ah, c'est oui. À Place des Arts, mais il y en a plusieurs. La oui, maison symphonique, ça. Avec tout est en bois, puis il y a un orgue dans le fond. Ah non. Puis... le son là-dedans est comme à se pitcher à terre. À un moment donné, on était allé voir quelque chose, on était littéralement le dernier banc en fond du dernier palier en haut. On était comme yeesh. On aurait peut-être dû acheter des meilleurs billets que ça, finalement. Et finalement, non, genre comme on entendait tout, là. T'es entendais respirer quasiment. Nice. Malgré qu'on était à comme 1 km. L'architecture, ça fait tout. Yeah. Le son de cette salle-là est sérieusement impressionnant. Symphonique. Je recommande. C'est pas le temps d'y aller maintenant, là, mais comme... Non. Une fois la pandémie finie, là, vous irez faire un petit tour. De toute façon, hey, toutes les salles, tous les spectacles, là, ils vont avoir... Ils sont en grand manque d'argent. Parce qu'il faut qu'ils continuent à payer leur monde, mais ils n'ont plus de rentrée d'argent. Hey, ils ont tout slacké, c'est tout du monde à contrat. En tout cas, c'est un peu triste, là, mais quand même, c'est beaucoup de monde à contrat qui se sont fait slacker. Mmh, là, tout ça. Ben justement, donc raison de plus pour... Ben que ça soit fini, on va sortir. Oui, mais allez voir le spectacle, allez voir des trucs. Puis en attendant, écoutez leur live, puis encouragez-les sur... sur Patreon. Mm-hmm. C'est vrai qu'ils font des lives, par exemple. Il y a des shows qui même, je pense, l'Opéra de Montréal, ils faisaient des trucs live la semaine passée. Mm-hmm. Ben, ils mettent... L'OSM met comme un vidéo, ils mettent des traits de leur spectacle passé. Fait que tu peux... c'est des vidéos d'à peu près 30 minutes, une heure, là. Fait que tu peux faire un petit spectacle dans ton salon. Là. Ben oui, c'est ça qui est cool, là. Je trouve ça le fun que les gens fassent ça. Bon, on parle pas plus de jeux vidéo, là, mais j'ai regardé un spectacle sur Facebook Live vendredi passé, puis c'était le fun, là. Mais comme tous les membres du band étaient tous chacun chez eux, fait qu'en fait, ils se relançaient la balle comme il y en a un qui startait en live puis qui faisait une toune tout seul. Après ça, c'était l'autre puis il faisait une toune tout seul. Comme ils ont tous fait comme une coupe de toune chacun. Mais parce qu'ils peuvent pas jouer in sync, fait qu'il y avait pas de choix. Non, c'est plein de trop, il y a trop de délais. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est un groupe de musique folk, c'est les Muren qui font de la musique de pirates, fait que tu sais, ils sont tous comme capables de jouer de la guitare puis de chanter, là. Fait que ils pouvaient tous comme faire une petite toune chacun de leur bord, là. C'est juste que les tounes à répondre avaient comme peut-être pas le même impact, là. Je répondais dans mon salon, mais, mais c'était joyeux pareil. Ah, j'ai écouté, mais tu me fais penser que c'est vrai, j'en ai écouté un, moi c'était les Deluxe. Une espèce de band de rock qui sonne comme du vieux rock avec des amplis pétés, mais qui sont modernes. C'est deux personnes. La fille, elle est chanteuse d'opéra dans son autre vie. Et le soir, elle joue avec son chum à travers le monde. Ils font des shows partout. Puis là, ils ont fait un live. Ils ont décoré leur salon. Ils ont fait un set. Ils ont pris toutes les. Ils ont sorti leurs amplis, toutes leurs gear. Bon, il n'y avait pas tout. Notamment, il n'y avait pas de drum. Mais il y avait comme plusieurs guitares électriques avec plusieurs amplis, les micros, la reverb. Ils ont dû avertir les voisins. Ouais, ils disent que genre, nos voisins d'en dessous, ils sont chill puis ils aiment ça. Comme, tant que c'est pas la nuit. Là. Ouais. Fait que ça, c'était cool. Ça, je les écoutais, puis à un moment donné, ils ont fait une... ils prenaient les demandes spéciales, puis ils disaient, « Ah, ouais, là, vous voulez qu'on fasse Love, je sais pas quoi. Ouais, ben là, c'est une... ça va être dur, là, ça demande de la participation du public, mais... on peut la faire, mais là, il faut qu'on compte sur vous, là, parce que là, nous, on va pas vous entendre, fait que vous avez intérêt à répondre, là, quand on va vous le dire. » Puis comme, ça marchait au bout, là. Ah, ouais? Genre, c'était... Tu voyais qu'il manquait, ça manquait un peu de drum, mais comme ça rockait en tabarnouche dans leur salon. J'aurais dû leur prêter mon vieil orgue qui avait du drum automatique dessus. Au moins, ça l'aurait fait. Ouais. Ouf. Ça aurait été épique. Mais il est encore, je pense que c'était sur... Cherchez les deux luxe. J'imagine sur leur page Facebook, vous allez trouver le lien. Pareil pour les Muren aussi, les vidéos sont toutes sur Facebook, là, les Facebook Live. C'est juste compliqué parce que vu qu'ils étaient chacun chez eux, il fallait qu'ils restartent le Facebook Live à chaque fois. Fait que ça changeait le lien à chaque fois. Ça, c'était un peu... Ah non! Ouais, fallait que tu refouilles sa page pour savoir genre... OK, il est où le prochain? Là. Mais... Ils pouvaient pas faire des lives comme nous on fait. Ouais, je voulais dire c'est pour que la personne soit full screen, mais en fait, je pense que c'est Facebook Live qui te permet juste pas de faire ça, probablement. Je sais pas. Ils sont peut-être pas full tech sa vie non plus. Là. Bref, hey, on parle-tu de jeu? Ben là, on a parlé de Fracto SC tantôt. Là. C'est ben pas oui, comme si on avait parlé d'aucun jeu on en heure. On a réussi à plugger un jeu dans notre discussion musique. Parler 2 minutes de jeu pendant 1 heure. On dit jouer de la musique, fait que c'est un jeu. Oh! C'est pas fou ça. Pis Blob, à quoi t'as joué cette semaine? J'ai joué pas mal à Monster Hunter pis des randomizers variés. Mais surtout j'ai participé à un game jam samedi, fait que c'était le fun. Moi je veux entendre parler du game jam. Dans Parce le fond, que c'est pas juste j'ai fait un game jam, c'est genre un autre game jam fucking weird. Ah ouais? Je fais partie du Discord de Rafiki qui s'appelle le dépotoir de recherche. Puis dessus, il y a un game jam par semaine qui va arriver pas mal à tous les samedis que ça adonne. Puis c'est un game jam qui s'appelle le 10 Minute Jam. Fait qu'on a 10 minutes pour faire un jeu. Holy shit! C'est bien trop serré. Déjà que je trouvais que le 1-hour jam, le 0-hour game jam qui dure en fait 1 heure, déjà je trouvais que ça, c'est 1 heure faire un jeu, c'était intense. Là, 10 minutes, je suis comme, ben là! Tu fais quoi? Tu le fais en papier, genre? Ben, t'as le droit de faire ce que tu veux, en fait. OK. Si on dépasse, on se le dit. Ou... Comme... C'est plus comme Dans ma tête, c'est comme le code de la piraterie. C'est plus des lignes directives que de véritables règles. Mais c'est sûr que tu as comme du street cred si tu respectes ton 10 minutes et tu es capable de le prouver façon de parler. Parce que si tu as respecté ton 10 minutes quand tu poses ton jeu, c'est quand même assez évident. C'est comme un speedrun, genre, il faut que tu le filmes. Fait que là, tout le monde, là, t'as le vrai cred d'avoir réussi à le finir vite de même. Mais là, au lieu de Ben, speedrunner j'ai un vu tes jeu, c'est du vidéos. speed dev. Je suppose que tu pourrais, mais pour vrai, un jeu qui a été fait en 10 minutes, tu le sais qui a été fait en 10 minutes, là. Ben, comme il y avait l'affaire de flattage de chat. Oh! Ouais. Je l'ai vu passer. J'ai oublié de Ouais, on a vu regarder, j'ai vu passer le chat, passer. nous autres aussi. Mais genre, est-ce que le chat, il passait plusieurs fois? Non, t'as un bouton pour flatter le chat, puis t'as un bouton pour faire recommencer le jeu. Ah, Excellent. Le chat, il passe une fois, puis si tu l'as, c'est genre, tu l'as. Ah, parce qu'il disparaît? Ouais, sinon, il fait juste s'en aller. Ah, shit! Sur ça, faut que tu recommences, ok. Fait que j'ai D'accord. speedrunné ce jeu-là une couple de fois, là. La vitesse du chat est variable. Oh! Oh! Fait que dans le fond, c'est RNG, là, c'est pour savoir si tu vas avoir le meilleur temps. Ah, en fait, tu peux pas. Voyons. Tu peux pas justement optimiser le speedrun parce que c'est RNG. Ben, c'est comme un speedrun de Pokémon. Il est capable d'être random. Ouais, c'est pas parce que du RNG qui est dans le système que tu peux pas optimiser. C'est que essentiellement, le meilleur temps, ça va être celui qui a eu l'exécution parfaite avec le meilleur RNG, puis c'est ça, là. Si tu le recommences à cette fois, tu vas l'avoir. Mais moi, je pensais aux speedruns de Pokémon qui font juste comme jouer dans le système puis obtenir les credits, là. Il y a Ouais, aucun ah RNG ben là-dedans. là. Ouais, ou tu peux manipuler le RNG sur ces Ouais, c'est ça. Il y a machines-là du aussi. RNG manipulation, mais comme justement, il n'y en a Fait plus que, d'RNG, mais c'est ça. non, tu peux trouver un document qui dit comment ce que tu vas faire pour faire un jeu en 10 minutes. Fait que ce que tu peux faire, c'est que tu as le Oh. droit de faire tes assets d'avance, là. Tu as le droit de faire tes dessins d'avance, tu as le droit de faire un plan d'avance. Tu peux prendre un vieux projet pas fini d'avance puis dire ça va être ça, je vais le finir. On n'a pas de vraies règles spécifiques. Ça fait qu'il y a comme peut-être une disparité dans le sentiment de chaque personne qui participe, mais il faut se dire que c'est pour le plaisir, puis ben, comme t'es pas Ben, on obligé de le s'entend faire, qu'en 10 minutes, t'aimes pas c'est pas ça. pour l'argent, Ouais, non, c'est pas pour l'argent puis la gloire internationale. Fait que mettons que Elvis, ça marcherait pas trop son enfant. C'est plus pour le caillou. Hein? Non, c'était. Ah oui, un pour l'argent, deux pour le spectacle et trois pour le caillou. Wow. Ah, ok, je One l'avais for pas the compris. money, two for the show, three for the jumper, let's rock. Ok, c'est comme je veux une Ça roche. là. Je veux une roche et il Maintenant. roule. Oui. Tourne-écrit. Tourne-écrit et tourne-écrit. Oh oui, Excellente tune. tourne-écrit. Tourne-écrit. Allez, allez, allez, maintenant, tourne-écrit. Ça, Parce que c'est tu sais que c'est bon. Billy avait une roche, là. C'était la roche à Billy. Ouais. Euh, On parle pas de on. jeux vidéo, là. Non, Que ça a pas pris de temps avant que ça revienne à la musique, là. On parlait de Pokémon. Ça, tu sais, Pokémon, ça a commencé sur Game Boy. C'est drôle parce que moi, ce que j'ai fait, c'est un jeu sur Game Boy. Ah, c'est ça que tu veux dire, Game Ouais. Boy Studio. Ok, j'étais pas sûr que ça avait rapport avec le Game Jam ou pas. Fait J'ai que. triché au max parce que c'était mon premier game jam de toute la vie, puis je me suis dit, ben, je Ah. serais disqualifié. Il y a pas de structure, il y a Y a pas pas de genre un règles, mais comité ouais. organisationnel qui donne des trophées, puis qui. C'est comme, je peux pas être disqualifié parce que je peux pas être qualifié. Je peux juste comme faire comme, je me pointe, j'ai fait ça, là. Si vous l'aimez pas, dites que je suis hors catégorie. Hors concours. Fait que j'ai appris un engin ce samedi-là. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire de quoi que je pense qui a l'air d'être 10 minutes de contenu de faisable. Cool. L'idée, c'est que mes images sont relativement belles parce que c'est celles qui venaient avec le studio. C'est un logiciel gratuit, le GB Studio, puis il vient avec un exemple. Fait que j'ai Oh. juste comme hacké l'exemple pour le modifier. Ben oui. Ben, ça compte, J'ai ça. été me chercher un éditeur de map pour me faire un petit labyrinthe. Puis après avoir dessiné mon labyrinthe dans GB Studio, j'ai dessiné en rouge qu'est-ce qui était supposé d'être solide. Puis j'ai utilisé le reste du code qui était fourni avec le programme pour faire bouger mon petit bonhomme qui se rend jusqu'à la porte. Puis après ça, il y a comme une scène cachée dans le truc que GB Studio te donne. Ben, j'ai utilisé la scène cachée, puis je l'ai comme pluggée pour que ça t'emmène à la scène cachée. Puis c'est ça la Ah! fin du jeu. C'est quoi Nice! déjà? C'est une affaire de chien. Ouais, le sample de GB Ah, Studio, là, spoilers! tu te retrouves dehors. Ben, Spoilers ouais. d'un jeu de 8 secondes. Tu vas voir que 60. c'est pas un gros spoiler, parce que dans le sample de GB Studio, tu te retrouves dehors, puis là, il faut que tu parles à des gens, puis que tu remplisses, je pense, 6 objectifs. Ok. Fait que là, il y en a un, faut que tu partes la radio, puis que tu ailles parler. L'autre, faut que tu ailles trouver son chat, puis que tu ailles parler. L'autre, faut que tu résous un puzzle avec un cube de glace sur de la glace. Genre, fait que là, Ah, tu as fini ça, il y mon en a un. préféré. Ouais. Il y en a un que tu peux pas faire parce que il est pas branché, il n'y a aucun accès. Fait que moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est la façon que GB Studio a de te dire, check, il y a une scène ici, là, elle n'est pas raccordée nulle part, elle flotte dans le vide. Vas-y, essaye, fais une porte qui se rend jusque-là. C'est ça que j'ai fait. Ça m'a permis de comprendre comment faire une porte. C'est la seule façon de finir le jeu. Faut comme que tu le répares. Oh my god, c'est comme Doom C'est 2. comme tout est jouable, mais ce petit bout-là, il n'est pas raccordé dans le programme, fait qu'il faut que tu le fasses. Mais il ne te le Nice. dit pas Cool. directement, c'est juste que tu as le 6e objectif qui ne sera jamais réalisable si tu ne mets pas une porte ou un téléporteur pour aller voir le chien. Fait que moi, comme fin de mon jeu, j'ai utilisé cette scène-là qui est comme pas raccordée normalement. Je l'ai pluggée après mon labyrinthe facile. Là, ben, tu rouvres le jeu, tu fais le labyrinthe facile, puis tu vas voir le chien dans l'espace. Puis le chien, il te parle, mais vu que GB Studio, le texte, il est en anglais, mais le chien, il te parle en anglais. Ok. Mais Puis c'est quoi ton titre? c'est un Je sais que c'était chien comme ça le anglophone, là. plus drôle. C'est pas de sa faute, le chien. Non, c'est pas de sa faute. C'est juste que le jeu, ça s'appelle Perdu, mais le chien, il parle en anglais. Non, c'est Perdu, puis le chien parle en anglais. Calisse. Merveilleux. Puis Quel en bas, titre, mes amis. En bas, au lieu de start. Il est écrit Oui, quoi, oui, oui, excuse? oui, oui. Ça a genre lagué. Ah, oh, c'est peut-être juste Au moi. C'est pas lieu grave. d'être écrit press start, c'est écrit pèse start. Ah. Oui, puis Puis. t'avais pas écrit les contrôles nulle part. Fait qu'il faut juste que comme tu Ah tapes sur non! mon clavier jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Ben, par défaut, genre, tous les jeux au monde, c'est Z, puis X, Ah, puis ok, c'est C. les contrôles de Game Boy. Non! T'avais pas les Non! contrôles de Game Boy? Par Ah. défaut, c'est WASD, space bar, les flèches, je sais pas. Non, ça peut être beaucoup de choses, Pas là. les émulateurs de Game Boy. Mais je prends un Fait que je que, ouais. connais ça parce que je jouais à Pokémon sur un émulateur quand j'étais petite. Mais Oh comme je trouve non. ça fou que les contrôles n'aient pas changé depuis, là. C'est toujours le genre ZXCAS. Ce qui est vraiment le fun avec GB Studio, c'est que leur objectif premier, c'est de faire un exécutable qui exporte en code de Game Boy. C'est un vrai jeu de Game Boy que tu pourrais graver sur une cassette, Oh shit, puis pour vrai? runner dans un Game Boy. Fait que quand tu veux le jouer, il doit faire rouler un émulateur. Oh! Fait que tu peux pas l'envoyer à n'importe qui. Il est comme pas Ben, exécutable en tant que t'as fait, pas un oui. émulateur. Ben, tu peux envoyer le ROM, puis là, ben, l'autre personne, il faut qu'elle utilise un émulateur. Mais Ouais. il y a un. Tu peux aussi l'exporter en HTML5, puis là, il bundle un émulateur HTML5 avec. Parce que oui, ça a l'air que la technologie est rendue assez haute pour qu'on ait des émulateurs HTML5 qui roulent dans un browser. Fait que tu peux jouer à des jeux de Game Boy dans ton browser, pas rien installé, genre. Puis ça La roule sur Itch. structure, ouais, la structure de fichier est faite telle que tu mets ça dans la page de itch.io. Tu fais juste dumper ton point zip puis ça va marcher. Oh, cool. C'est juste conçu pour marcher. Si tu l'envoies le dossier à quelqu'un, puis les fichiers ne sont pas hébergés sur Internet, souvent la plupart des browsers, par Non, ils veulent intérêt pas. de sécurité, ils voudront pas qu'un fichier fasse référence à un fichier local. Fait que dans ce temps-là, ça brise puis ça marche pas, mais si ton truc est hébergé, ça va marcher. Fait que moi, ce que j'ai fait au début, je me suis créé un itch, j'ai mis le jeu sur une page qui n'était pas publique, puis j'ai donné le lien à ceux que je voulais. Fait que ça a marché. Là, il est rendu public, là, fait que si vous allez sur mon itch.io, il y a un petit jeu à essayer, là. Je vous le dis tout de suite, les contrôles, c'est les flèches ZX, Enter, Shift. Mais ouais, en fait, je pourrais l'écrire dans la description en bas pour celui-là, mais je pense que dans tous les jeux futurs, j'aimerais ça si les contrôles étaient écrits dans le jeu. Ouais, ben c'est sûr que. Mais même l'avoir les deux. Dans le jeu, oui, parce que c'est ça que les gens vont voir, mais souvent t'es dans le jeu pis t'es comme voyons comment je fais, puis là le title screen il est plus là, là. Fait que là tu regardes en bas, t'es ah c'est shift, ok. Ouais. Genre, Je sais pas qu'est-ce que je vais faire cette semaine, mais je pensais d'utiliser GB Studio encore. Probablement que je ferais quelque chose avec des gens qui te parlent, puis comme il faut que tu ailles parler à tout le monde dans un certain ordre, puis après ça, tout le monde est content, puis c'est la fin. ça Parce que pour ressemble. le faire en 10 minutes, bonne chance. Yeah. Ça ressemble beaucoup. Je regardais un tutoriel de GB Studio. En fait, non, c'était le créateur, je pense, qui parlait du. Qui montrait comment utiliser. Qui faisait un tutoriel durant le Game Dev World. En tout cas, celui qu'il y avait pour la charité, là, pour le Ah GDC Relief Fund. Il y avait un segment, ils ont passé 1 heure, puis c'était un tutoriel sur comment faire utiliser GB Studio. Puis là, ils montraient des trucs, là, dans le fond, puis ils répondaient aux questions. Ouais, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Bitsy, ouais, il me semble, Bitsy, qui est un petit truc pour faire des jeux web. Puis ça roule tout seul. Sinon, Puzzle Script fonctionne Ouais, ben Puzzle similairement. C'est Script, beaucoup il est plus. bon pour faire des jeux de puzzle, puis il est un petit peu plus compliqué à faire marcher. Bitsy, c'est niaiseux comme tout. C'est limité, là, tu vas pas faire Pokémon avec ça, là. Mais en fait, tu peux pas vraiment faire de platformer. Mais c'est une base cool pour commencer. Puis c'est super niaiseux. Moi, j'étais allé dans le Daily Jam, le jeu que tu faisais un game jam, tu fais ton jeu, puis après ça tu le delete. Fait que là, j'ai pas de trace de ce jeu-là. C'est triste. Mais j'avais fait un jeu où est-ce que. Parce que la journée, j'étais allé chez le dentiste, puis là, j'étais arrivé au jam, j'avais pas le temps de chercher une idée. J'étais comme ah, on va faire un jeu à propos de mon dentiste. Fait que là, t'es allé au dentiste, tu parlais à la secrétaire, t'allais t'asseoir sur la chaise de dentiste. Mais en fait, tu ramassais. La chaise de dentiste était un collectible. C'était comme ça que je savais que t'étais allé dessus. Puis là, elle disparaissait. Fait que, essentiellement, en fait, c'était plus un jeu que t'allais chez le dentiste et tu volais sa chaise. Mais il t'en parlait pas. Il s'en rendait pas compte. C'est tout le temps de même dans les jeux. Tu sais, dans Metal Gear Solid, là, tu fais exploser un mur, puis là, les gardes sont comme ah, il y a eu du bruit. Là, ils arrivent, il y a un immense trou dans le mur, puis ils sont comme bah, il me semble que c'était de même avant, ça doit être le vent. Oui, c'est ça. Voilà. Fait que dans le fond, mon jeu, c'était Metal Gear. C'était vraiment hot, ok, là. Puis, ouais. Ok, fait que l'essentiel du jeu, c'est que t'allais voler la chaise, puis ça finissait comme ça. Mais non, non, non. T'allais chez le dentiste. Et tu repartais. Et là, les gens, et la secrétaire et tout, le dentiste te disait, genre, ah, tu as bien fait ça. Tu n'as pas de carie. C'est un jeu de merde, écoute, là. J'ai fait ça en 1 heure. J'ai appris. Moi, j'ai appris Bitsy. Je suis arrivé là, je ne savais pas Bitsy. Je suis arrivé, j'ai fait bon, on va trouver un tutoriel. Combien de temps qu'il me reste? 1 heure et demie. Damn. Mais quoi, après ça, on délitait le jeu. Fait que, on n'allait pas commencer à faire de la Joconde, là. Ah, ben c'est ça. Fait que moi, si je veux me débrouiller 1 minute, je vais probablement penser à mon affaire d'avance. Je pensais mettre, mettons, 4 bonhommes qui ont chacun un gugus à dire. Je vais utiliser sûrement les assets qui sont déjà dedans, mais si ça me tente, je pourrais me dessiner des bonhommes d'avance. Je pourrais me dessiner un lieu d'avance. Tu sais, je peux... C'est divisé en scènes, là, fait que je pourrais me faire une scène, puis là, tu peux parler au petit bonhomme, puis quand tu as parlé à tout le monde, ça finit. Ça me fait Je pense que... penser à le WarioWare sur DS que tu pouvais faire des jeux style WarioWare avec. Ah, c'est vrai, je l'ai jamais essayé. Et puis comme tu pouvais faire des affaires quand même assez compliquées, mais c'était assez simple parce que genre tous les morceaux étaient déjà là. Puis yeah. Tu sais, c'était. Je me souviens qu'à l'époque, on disait genre, ah, oh, peut-être qu'un jour les. En fait, il y a... avant ça, j'avais lu un article sur un. C'est un gars qui disait genre, tu sais, maintenant, tu sais, Kodak, là, ils sont populaires parce qu'ils ont inventé une affaire que genre. Tu peux être un peu. Si tu veux prendre des photos, tu peux être un peu cave, t'as juste à mettre la bobine dedans, puis là, tu payes sur le piton, puis ça prend la photo, puis ça marche. Comme ça juste marche. Parce qu'avant ça, c'était super compliqué. Il fallait que tu changes le film, il fallait que tu le fasses développer. Là, il y avait tout un système où est-ce que n'importe qui pouvait comme faire développer ses photos, puis prendre des photos, puis tu fais juste, tu prends le truc, tu payes sur le piton, puis ça prend une photo, puis ça marche. Puis la photo va être bien cadrée, elle va être bien le focus, puis tout, là. Puis la personne disait, genre, il n'y a pas ça pour des jeux vidéo. Quand est-ce qu'on va être capable de, genre, prendre une. T'sais, mettons, je veux faire un jeu vidéo à propos d'une situation. Ben là, que je puisse prendre le truc, payer sur un piton, puis là, ça prend une photo. Puis ça fait un jeu, genre. Mais comme, on n'est pas rendu là. Puis là, WarioWare, je sais plus comment il s'appelle, Game Maker, il est sorti. Puis c'était comme, ah! On s'approche parce que t'es capable de faire une ride d'autobus puis de faire un jeu dans ta ride d'autobus, mettons. Tu vas le dessiner, tu vas faire les morceaux puis tu peux faire un jeu à propos de ta ride d'autobus dans ta ride d'autobus. Fait que comme c'était pas loin genre. Puis là, Bitsy puis ton 10 minute jam, on s'y approche. Ouais. Le désavantage actuel de GB Studio, c'est que tu peux faire juste une seule sorte de jeu. Puis ça peut pas être vraiment des jeux d'action trop tôt. Fait que tu peux faire des jeux où tu parles à des personnages, tu peux faire des jeux où est-ce que tu pousses des blocs. Puis c'est pas mal ça. Comme je vois pas comment tu peux programmer des ennemis qui te feraient du dommage, mais... Je pense qu'il y en a qui ont trouvé un truc là, mais c'est compliqué. Ouais, tu peux probablement faire des immenses scripts qui vont le faire. D'après moi, c'est faisable, mais ce serait très, très, très gros et pas efficace, là. Puis là, le but, c'est que pour l'instant, c'est limité parce que tu programmes pas vraiment sur Game Boy, là. Essentiellement, tu remplis des cases dans un système, dans un engin que le gars, la personne a préfète. Parce que ça sous-entend que tu vas avoir un bonhomme, ça sous-entend que tu vas avoir des acteurs qui peuvent mettre des bulles de texte, ça sous-entend que tes acteurs ils peuvent se promener comme des petits bonhommes, puis ça sous-entend que tout ce que tu as de besoin, c'est d'une image de fond avec des affaires solides, des affaires pas solides. Mais tu sais, tu peux pas, mettons, mettre du gazon à terre puis dire j'ai un item que je vais couper le gazon avec. Parce que là, il faudrait comme que tu mettes les affaires solide, puis canceller la solidité, puis là, ça te prendrait un objet pour chaque affaire que tu veux, puis ça serait super inefficace point de vue processeur. Fait que là, tu rencontrerais la limite. C'est pas fait pour rien faire à part un bonhomme qui parle à des bonhommes puis qui pose des boîtes. J'allais dire, Mais... on s'en fout du processeur puis de mais c'est vrai que c'est fait pour rouler sur un vrai Game Boy, puis un Game Boy, y a pas grand-chose là-dedans. L'engin est super bien fait, puis le logiciel est super bien fait. Tu peux littéralement aller spécifier ça va être quoi la palette de couleurs sur Game Boy Color. Il te laisse en choisir une. Pour vrai, sur Game Boy Color, les jeux plus gros, il y avait plus qu'une palette, mais là, au moins, tu peux en choisir une. Tu peux aussi demander d'avoir le processeur à double vitesse pour qu'il roule sur Game Boy Color pour vrai avec la fréquence augmentée, fait qu'il peut calculer plus d'affaires. pendant ces cycles. Sur le Game Boy Color. Ouais. T'as vraiment tout ça que tu peux gérer. Tu peux choisir quelle sorte de cassette, fait que ça veut dire quel chip de mémoire, puis est-ce qu'il y a une batterie pour enregistrer la save. Tu peux spécifier ça d'avance. Parce que je pense que pour vrai, un coup que tu aurais ta ROM, puis si tu avais la machine pour imprimer des chips de cassette de Game Boy, tu serais capable de l'imprimer. Oh shit. Fait que c'est vraiment fabuleux. Je pense que dans le futur, il a dit qu'il adapterait son engin pour que tu puisses faire au moins un platformer puis un top-down shooter. Fait que je pense qu'un coup que ça va être faisable, peut-être que tu vas pouvoir un petit peu mélanger les styles pour faire quelque chose du genre un Zelda-like. Parce qu'un Zelda-like, c'est comme le jeu d'aventure de poussage de boîte et le parlage de monde, mais avec des mécaniques de shooter un petit peu. Comme tu peux tirer avec ton arc, puis ton épée, Ah, c'est ouais. comme si tu tires, sauf pas loin, tu sais. D'une certaine façon. C'est vrai. Aussitôt que tu peux faire comme du dommage à des affaires qui peuvent te faire du dommage aussi, ben là, tu peux faire des jeux d'action, tu sais. C'est ça. Fait qu'on a enfin un système pour faire des jeux non violents. Première chose, ouais, mais on peut tirer du gun. Mais Et les j'avais jeux pensé. vidéo, hein? Non, en fait, Les j'aime ça, les affaires gamers. non violentes. Et je me suis dit, comment je ferais pour faire genre un jeu de soccer ou un jeu genre que tu pousses une ballonne dans un but quelque part. T'sais, comme, même si ça serait comme, faut que tu roules une roche puis c'est super lent. Mais tu peux pas vraiment programmer comme une équipe adverse ou des obstacles. Tu peux comme pas faire un mini-golf stupide. Il y a rien de Mais tout ça. tu peux faire pit de pop at the party, par exemple. J'imagine, oui, tu peux demander des fonctions mathématiques comme des trucs au hasard, fait que je pense que ça serait Puis là, faisable. Anne-Marie aimerait ça jouer à pit de pop at the party sur un Game Boy. Excusez, le stream a eu le temps d'avoir un complete mental breakdown, puis genre, vous avez juste pas arrêté votre conversation, j'ai Bon. pas réussi à genre, comme, plugger le fait que ça chiait. Mais c'est réglé, là, tout est beau, là. Ça fait Oh, comme pas de problème. 10 Ça a-tu minutes que je coupé? travaille là-dessus, là, mais... Ça a Ben, t'as coupé? l'air occupé. Ça a pas coupé, j'ai perdu les webcams. Dans le fond, j'ai gossé quelque chose sur Paint.net, puis là, il a décidé qu'il voulait installer, comme une update. Fait que genre, j'ai fait OK, puis là, ça a comme, tu sais, comme quand Windows, il met l'écran tout noir, puis qu'il dit, là, t'es-tu un administrateur, t'es-tu d'accord avec ça? Puis ça a fait en sorte que OBS trouvait plus l'écran dans lequel ça a fait, ça, genre. Il le trouvait plus. Yay! Il existait plus. Il n'y avait pas de framerate, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de son, pas d'image. En tout cas, donc, il a fallu que genre, je reboot toutes les webcams sur OBS. En tout cas. Ah, non. Fait que Bon, on a mais. juste perdu, on a perdu, on n'a pas perdu le. Non, on n'a pas On a juste perdu le perdu. son. Le son est parfait. Ouais, puis dans le fond, là, je parle de ça, puis je devrais pas. Non, le son est numéro un. On a juste perdu le visuel au complet. Pendant genre un gros 10 minutes. Puis le restant du temps, on me voit en train de refaire une par une toutes vos faces à la bonne place dans les bons trous dans le layout. Yay! Ah. Merci Anne-Marie, tu as très bien fait ça. Bref, pet de pop at the party. C'est ça qu'on parlait. Ouais, on parlait de faire un Excusez, demake sur Game c'est Boy. vraiment perdu. Oh, Mon ça serait cool. engin de GB Studio, il est pas capable de faire grand-chose pour l'instant, mais dans le futur, tu vas au moins sûrement pouvoir faire des platformers puis des shooters de, tu sais, genre de vaisseau Mais. spatial. Ouais, mais en ce moment, tu peux Ouh. faire pet the pop at the party. Ça, c'est comme mieux. D'après moi, il C'est faudrait que je Pokémon fasse des salles déjà d'avance, puis m'arranger pour que les portes t'envoient à des endroits au hasard. C'est déjà un peu ça, je pense. Ouais, ben, je sais comment ça fonctionne, fait que j'essaie d'imaginer comment je ferais, mais je pense pas que je pourrais faire un truc aussi procédural, comme je pourrais pas Ben vraiment non, faire t'en. varier les grosseurs de mes salles, ça Non, serait tout le t'en temps les fous. mêmes salles. Fait que là, t'aurais vu, mettons, les 16 différentes salles, ça serait tout le temps ceux-là. Ben oui. Mais si tu joues en Ben, masse à pet de pet de. pop at the Ouais, party, c'est c'était pas ça. mal ça aussi, Parce là. que la position des gens dedans qui te bloquent va changer, fait que ça te donne comme une expérience un peu différente, là. Mais les salles, je suis pas mal sûr qu'il y a des cuisines, puis il y a des chambres, puis il y a d'autres cuisines, puis il y a d'autres chambres. Puis comme la quantité de cuisine, puis de chambres par appartement ne fait pas de sens, puis c'est correct, là, Il y a beaucoup de toilettes aussi. Oui. Oui, Ouais, il puis y a des salles ça à manger, peut-tu puis que des ça salles à soit manger. non euclidien aussi? Comme les affaires, Oh, ils peuvent shit! tourner sur eux-mêmes, puis comme ça dérange pas. Il me Ça semble se que peut, oui. ouais. T'as comme des fenêtres qui donnent sur dehors qui devraient donner sur en dedans, là, clairement. Fuck, c'est vrai. Oui, je Ouais. pense que oui. Je suis Mais sûr. Je suis sûr que c'est ça que ça fait. C'est si excellent. Mais on s'en fout, parce que tu peux flatter le chien. Mais c'est ouais, ça, c'est que tu prends pas le temps de regarder si le layout fait du sens, tu fais juste courir aveuglément jusqu'à ce que tu trouves le chien. Yo, le chien! C'est ça l'idée. J'ai entendu qu'il y avait une rumeur d'un chien! Et tu l'entends? Ouais, c'est ce chien! Ouais, c'est satané chien! T'es comme... Dans le fond, t'es comme le méchant dans un film de chien. Dans un film de chien, il y a toujours chien? Une scène que le méchant il court après le chien, pis il est comme... Ouais, c'est satané chien! Dans les films de chien, il y a tout le temps quelqu'un qui veut le chien, for some reason. Mais il veut le flatter. Tu veux juste le flatter. Je suis pas sûr que c'est ça. Il veut juste le flatter, le c'est chien. C'est tout le temps pour, genre, l'exploiter de façon capitaliste. Je suis pas sûr que je pourrais mettre les entrées pis les sorties au hasard. D'après moi, ça serait tout le temps la même maison. Mm. Ben oui, mais c'est correct. Ouais. Cruella, elle a c'est un peu moins le fun. Y avait-tu une entrée pis une sortie? J'avais pas l'impression. Ben, les entrées pis les sorties des salles. Ok, oui, mais c'est ça, parce qu'il y avait pas une entrée pis une sortie pour aller dehors, là, ça, non. Tu sais, si c'est non, tout le temps les mêmes salles, j'aurais aimé ça que les portes, ils donnent pas tout le temps sur la même place, mais je pense que j'aurais pas le choix, parce que je pense que tu peux pas caler la fonction mathématique random pour dire dans quelle scène tu t'en vas. T'es obligé de spécifier une scène très définie quand tu fais un changement de scène. Fait qu'il y a ça. Il y a plein de limitations pour l'instant. C'est vraiment pas comme si tu peux vraiment programmer sur Game Boy, mais c'est pas grave, c'est très facile à utiliser puis ça va vraiment bien. Ben, c'est genre, bien. Quand j'étais chez OGDC, il y avait une salle, ben, c'était plus comme dans le corridor, mais il y avait tout décoré avec thématique sous-marine. Fait que, il y avait un tapis bleu fluffy, puis il y avait comme des trucs pendouillants pour faire comme des algues. Fait que t'étais comme au fond de la mer. Puis il y avait un coffre au trésor avec des pierres précieuses. Puis dans le coffre au trésor, il y avait un tout petit coffre au trésor. Il y avait aussi des pierres précieuses. Et dans le tout petit coffre au trésor, puis là, je le prends avec mes mains, là, mais il était comme, mettons, plus petit que ma tête. Là. C'est un petit coffre au trésor. Et dans le petit coffre au trésor, il y avait un tout petit écran avec deux petits boutons et un petit joystick, je pense. Et là, tu pouvais jouer à comme une centaine de jeux Bitsy. Fait que c'était comme une mini-console dans un coffre au trésor de jeux Bitsy. Puis l'écran, là, et écoute, l'écran, c'était... Dans mon souvenir, il était gros comme un timbre, mais c'était probablement un petit peu plus gros que ça, mettons... Comme un Tamagotchi, mettons? Deux timbres. Et c'était un écran couleur, okay. Si je me souviens bien. Grand comme deux ou quatre timbres, mettons. Puis, comme une Apple Watch. Ouais, mettons. Mais comme pas un écran aussi fancy que ça. Là. C'est comme un petit écran. Puis là, ben, tu pesais sur les pitons. Puis là, tu pouvais changer de jeu. Puis là, essayer des jeux. Puis comme, il y en avait des centaines. Là. Fait que comme, tu sais, même si Bitsy, c'est super limité. Parce que c'était tous des jeux de Bitsy. Même si Bitsy est super limité, comme ça n'a pas empêché les gens à faire plein de sortes de jeux. Comme moi, j'avais fait un jeu, j'avais joué à un jeu qui était vraiment drôle. C'était un gars... Tu jouais le rôle d'un gars qui essaye d'impressionner une fille, puis là, ils vont à l'aquarium, puis c'était basé sur... Le gars, il disait, c'est basé sur une histoire vraie. OK. Et là, avec, t'es à l'aquarium, puis tu vois l'aquarium avec les poissons, et là, tu promènes ton curseur, puis là, quand tu pointes sur un poisson, il est comme... Tu dois bullshitter. Fait que là, le gars est comme « Ah oui, ça, c'est un machin trucolus. Et ça, hey, savais-tu que ça, là, ça vit 25 ans dans le fond de l'océan sans respirer? » Et puis là, tu pointais vers un autre. « Ah, ça, c'est un bidulotron. Et ça, là, ça mange 4 fois son poids par jour. » Puis là, quand t'as fini de c'est cliquer quoi, sur... C'est quoi le fail state, ouais? Mais c'est une expérience. Ah, ok. Non, mais je quand pensais t'as... qu'il y avait des trucs, genre, à la laisse poter, genre, tu me bullshit, là. Quand t'as fini de cliquer sur tous les poissons, la fille a dit, tu le sais, hein, que je travaille dans un aquarium. Non. Ou que je suis étudiante en aquatique, là. Et le gars, il ne savait pas. Biologiste marine. Ouais, genre. C'était super cute. Oh. Super. Puis c'est comme, ben, c'est ça. Puis j'ai joué à un autre jeu où est-ce que, comme, il y avait des trucs cachés. C'est comme un jeu d'objets cachés, mettons. Puis t'étais un chat, je pense. En tout cas, il y a plein d'affaires dans Bitsy, là. C'est comme. Oh. Ouais. Cool. Puis Narf, fait que là, qu'est-ce que t'as joué cette semaine? Ou, v'là des mois, puis t'as pas eu le temps d'en parler. Mais là, cette semaine, la seule affaire, j'ai joué... Ben, à part, j'ai joué à Zelda, et j'ai continué d'être pas content des personnages féminins. Oh. Que, comme j'ai parlé l'autre fois, parce que... Hey, écoute, je t'avais de prendre des screenshots, mais les screenshots, tu vois pas les animations puis les, mm. puis les sons qu'ils font, genre. Que la fille a fait comme genre... Oh! Avec une petite pause avec les mains comme ça. Oh! Comme, je suis vulnérable et cute! Et tu dois me sauver. Puis comme, on s'entend que la prémisse du... Je sais que c'est Zelda, là, fait que, comme, la prémisse du jeu, c'est toujours on va sauver la princesse, là, mais là, c'est particulièrement la princesse. Tu sais, elle passe pour une incompétente, là. Elle passe pour comme... Ah ouais. Link! Link, c'est ton destin, t'sais, tu sais. T'es un gars, tu t'es réveillé out of nowhere, pis tout le monde est comme genre... Ben t'es le héros, là, je pense que c'était pas tant que t'es un gars, mais là, oh, t'étais le héros, mais tu t'en souviens plus. Vite, va sauver la princesse, tu es son seul espoir. C'est comme... On est plein de gens dans le royaume, mais on est tous pas capables. Parce que genre, mais toi, tu es le héros, toi... Tu es le héros de légende. Le héros de la légende, et toi seul peux arrêter le gros truc maléfique et tu dois sauver la princesse. Écoute, j'ai l'impression d'écouter les Schtroumpfs. Oh, shit. Parce que les Schtroumpfs, c'était tout le temps hot ça. Hot take. C'était tout le temps comme genre, oh, la Schtroumpfette a été enlevée par Gargamel, vite! Allons voir le grand Schtroumpf! Et le grand Schtroumpf était comme, oh, nous devons aller la sauver! C'est comme, oui, comme dans tous les autres épisodes! Je sais pas si Gargamel il courait après la Schtroumpfette ou c'était juste parce qu'elle était vraiment cruche puis qu'elle se laissait pogner. Là. I don't know. Je sais plus. Tout le temps. Parce que Gargamel il attrapait les autres aussi, il attrapait pas juste elle. Là. Ouais, mais c'était souvent la Schtroumpfette. Ouais. Non, c'était les autres aussi. Ouais, c'est ça. Je sais plus. En tout cas. Bon, ouais. Mon t'as-tu Lord rencontré est... la madame qui veut protéger les fleurs? Oui. Parce qu'elle est pas cute et vulnérable du tout. Non. Ben, quand je l'ai rencontrée une fois, je sais pas si elle était particulièrement pas cute et particulièrement pas vulnérable. Comme, j'ai pu laisser les fleurs, pis elle m'a dit comme, hey! Marche pas ouais. Ces fleurs. Je pense que tu peux mourir. Continue. Holy shit! Elle fait quoi? Ouais, je pense que si t'arrêtes pas, tu peux mourir. Elle te tire de l'arc, genre? Elle te tire des éclairs? Ouais, je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'elle fait, mais... Elle commence à planter! Elle commence à planter du Poison Ivy. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux au milieu des fleurs, en plus. Fait qu'il faut que tu trouves comme une façon de passer. Ouais, c'est un petit labyrinthe, là. Ah, ok. Ben, il y a plus... Comme partout dans ce jeu-là, il y a plus qu'une solution. Là. Moi, je pense que j'avais volé, là. Oh, nice. Si tu fais un feu par terre, tu peux utiliser ton paraglider pour prendre la draft de chaleur comme une montgolfière. Fait que là, tu fais des feux à terre, ça fait un hot draft. On peut faire ça? Oui. On peut tout faire dans ce jeu-là, Narf. Faut que tu amènes, mettons, 5 paquets de bûches, tu les mets à terre, tu les allumes toutes, ça fait comme bouf, oh, un gros hot draft. Une espèce de feu. Damn. Ouais, mais Dranzer, il dit si tu fais un feu par terre, les fleurs vont brûler. Tu peux le faire plus loin. La fille va être pas contente. Tu peux faire ton feu un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai juste marché le long du labyrinthe. Faites le labyrinthe. C'était quand même une expérience. Mais en tout cas, si jamais tu vois une place qui a l'air inaccessible, ça peut être le fun d'essayer de faire un gros feu pour essayer d'y aller. Ça aurait été utile à certains endroits. C'est juste que faire un feu, c'est pas exactement facile. Ça te prend quand même au moins un bois, un truc qui allume, puis une arme pour taper dessus. Non, c'est pas spécial, finalement. Ouais, c'est quand même facile. Parce qu'au début, j'avais pas beaucoup de trucs pour partir des feux. Là, j'en ai trouvé pas mal. Il y a un endroit où il y a beaucoup de sapins, puis tu peux accumuler des centaines de piles de bois. Fait que c'est tout le temps bon d'avoir une grosse pile de bois pour des affaires comme ça. Oui, n'importe quel arbre, tu peux y couper. Ouais, mais il y a une place où spécifiquement, t'en as vraiment beaucoup. Tu les fais exploser avec des bombes. Ah ouais. Tu fais exploser tes arbres avec des bombes au lieu de maganer tes armes dessus. C'est comme ça que tu peux pêcher aussi. C'est quand même assez efficace de pêcher en lançant des bombes dans l'eau. Vive l'environnement. Mais ouais, ils ont pas mis de canne à pêche dans le jeu, fait qu'il faut que tu t'arranges. Puis, ben, c'est un peu, c'est un peu. C'est comme, toutes les autres Zelda avaient toujours des trucs de pêche. Là, j'ai l'impression qu'ils voulaient puis qu'ils ont comme fait comme, ben c'est soit ça, soit on n'a pas le temps de finir le jeu. Là, comme... Tu sais, quand... tu les ramasses dans tes mains, tu fais juste nager à côté puis tu les mets dans ton sac. Ouais, ben c'est comme ça avec n'importe quoi dans le jeu. Quand ils sont les vivants. Sauterelles, les sauterelles, les lucioles passent à côté, bloup, attrape. Tu cliques sur le piton. Mais les flèches électriques aussi, ça a l'air que ça fonctionne très bien. Oui, mais là, on va pas gaspiller mes très précieux flèches électriques. C'est vrai que t'en as pas des centaines, j'imagine. Camille, elle disait genre... Elle dit, s'ils font un 2, ben là, ils font un 2, mais elle dit... Ils font un 2, ouais. Oui, je sais, mais comme... elle a dit... ce que j'aimerais dans le 2, c'est deux choses. Un, une canne à pêche. Deux, pouvoir flatter les chiens. Oh. Elle dit, s'ils ont juste ça, c'est comme, j'achète le jeu. Ben, au moins, tu peux leur donner à manger, là. Tu peux leur donner à manger? Ben, si t'échappes des choses à terre qu'ils aiment, ils risquent de les manger, me semble. Oh, nice! Tu peux nourrir ton cheval aussi. Ben, voyons donc! Si tu tiens de quoi à manger dans tes mains puis tu t'approches, il va le manger. Je pense que ça m'est même déjà arrivé genre de perdre de quoi que je voulais garder parce que j'ai passé proche de mon cheval puis il a fait comme « Hum! » C'était un aliment, là, c'était pas genre des vis. Je pense qu'il y a comme des carottes spéciales que si tu la donnes à ton cheval, il va courir plus vite pendant un certain temps ou il va avoir plus d'énergie. Nice. Fait que tu peux faire exprès de trouver ces affaires-là pour y donner à manger. Ah non, j'ai pas perdu mon... Puis oui, les chiens, quand tu les nourris, ils vont te montrer des trésors. Oh! Ils font comme « Ah, suis-moi, suis-moi! » C'est comme les chiens, ils font. Ben ils oui. Ils font des mimiques pour que t'es suivre. Puis là, ils s'en vont, ils sniffent, puis ils trouvent quelque chose. Oh! Mais je pense qu'ils le font pas tout le temps. Fait qu'il y a tout dans ce jeu-là, mais il y a pas de canne à pêche. Ben non, mais il y a d'autres choses. Écoute, je viens d'apprendre plein de choses. Là. Je viens d'apprendre que je peux voler sur des drafts de feu. Que je peux faire un feu et voler n'importe quel. Que je peux nourrir le chien, puis que je peux nourrir les chiens. La brousse, carrément. Tu peux juste allumer de la brousse, puis te faire voler avec ça. Ou tu peux attendre que quelqu'un avec des flèches de feu tire dans la brousse, puis voler là-dessus. Parce que tu as comme un bullet time quand t'es dans les airs avec ton arc, fait que tu peux faire exprès que ça fasse un bullet time parce que les ennemis font du feu. C'est bon, ça te laisse le temps de viser comme il faut, tu sais. C'est toutes des affaires le fun. Attends, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu sais avec ton bullet time? Ben, quand t'es dans les airs puis tu prends ton arc, ça ralentit le temps pour te laisser viser. Ça fait un bullet time si on veut. Fait que si tu veux tirer plein d'ennemis avec l'arc puis qu'ils ont mis du feu à terre, tu commences par voler un petit peu puis tu sors ton arc dans les airs pour profiter du bullet time qu'ils viennent de te donner. C'est trop clever. Ça fait ça juste quand t'es dans les airs? Parce que il me semble qu'il n'y a pas de bullet time d'habitude. Quand t'es à terre, il n'y en a pas, mais si tu trouves une façon de sauter, tu sors ton arc, ben là, tu vas en avoir un. Fait que tu peux le faire, tu peux sauter de ton cheval pour en faire un. Il y a des ennemis que tu peux embarquer dessus, puis là, tu les tapes, puis à un moment donné, tu débarques. Pendant que tu débarques, tu peux le faire aussi. J'ai pas découvert que tu pouvais monter sur des ennemis. Man, il y a trop d'affaires dans ce jeu-là. Je continue à jouer. Il y a beaucoup de choses. Bien. J'ai peur que t'aies vu juste des personnages féminins pas intéressants, mais il y en a des super intéressants aussi. Non, c'est comme je disais l'autre fois. T'étais-tu là quand j'en avais parlé? Non, j'étais pas là. Ah, ben c'est ça. C'est parce que, tu sais, il y en a une couple qui sont assez cool puis assez dégourdis. Mais la plupart, j'ai envie de dire, sont. Le pire, c'est que c'est pas qu'ils sont habillés sexy ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont. Un peu nunuches. Mais les gars aussi. Tu vas arriver, puis il y a un gars, là, une chance que tu es arrivé pour me sauver, là, j'aurais pu me faire mal, puis comme il attendait après toi ou quelque chose. Ouais, mais comme, ouais, mais c'est la manière, c'est le ton de voix du voice actor. Je sais qu'ils parlent pas, là, ils font juste comme « Ah! Mm. » Mais tu sais, les gars sont plus comme « Ah! » Alors que les filles sont toutes comme « Ah! Oh! Ah! » Bah, j'imagine. Puis après ça, t'as la gestuelle dans leur animation. Les gars sont tous comme « fiers. » Les filles sont toutes comme repliées sur elles-mêmes avec les bras comme gênées. Puis ils sont toutes comme facilement impressionnables. Puis c'est comme « Really? Là, come on! » Ah, Anne-Marie cherche son chat. Je sais pas si t'es allé dans la ville des Gerudo, mais... Non, pas encore. Il y a... bizarrement, il y a des gorons dedans. Normalement, les hommes ont pas le droit de rentrer. Fait que là, t'es comme... Ben, les gorons, finalement, ils ont pas de sexe, ils ont pas de genre. On suppose que c'est des gars parce qu'ils ont des voix graves, mais il y a pas de filles, il y a pas de gars, finalement. C'est des non-binaires. Ben, c'est ça, ça se peut. C'est des rushs, un peu. Puis c'est ça, c'est qu'en plus, Link lui-même a de l'air super, comme, ambigu. C'est ce que j'apprécie ça. Moi, dans ma tête, mon Link, c'est une fille. C'est une fille badass. Comme dans Horizon Zero Dawn. Mais pas Linkel. C'est Link. Ouais, Linkel qui met des short leggings. Link badass cool. Fille. En tout cas. Mais sinon, sauf l'autre se demandait, on a trouvé le chat. Elle était dehors, esti! Je savais pas. Ah, ça doit faire genre 2 heures qu'elle est dehors pis qu'elle est comme, ouais. Hein. Dans la neige? Non, y'a pas de neige. Oh non! Y'a plus de neige? Ben, en tout cas, pas ici, là. C'est un terme ancien, hein? C'est vieilli à cette heure, ce mot-là. Oui, c'est vrai. Maintenant, on dit de la blagaison. On s'en rappelle même plus. La blagaison burlesque. Moi, je m'en rappelle. Plaisanterie. La plaisanterie burlesque. Plaisanterie burlesque. Vous parlez de Horizon Zero Dawn? C'était quoi le mot? Une péripétie. Une facétie. Facétie. Comme dans la toune. Narf, il a juste mentionné Horizon Zero Dawn parce qu'il disait que Link dans Breath of the Wild, pour lui, c'était une fille. Ben, pas vraiment, là, parce que sa voix marche pas vraiment, là, mais comme... Tu sais, il a des cheveux un peu longs, il a des traits quand même assez féminins. Là, moi, ça passe. T'es toujours pas allé au village où est-ce qu'il faut que tu t'habilles en fille, là? Ah, ben, j'imagine que ça confirme que Link est un gars. S'il faut que tu t'habilles en fille... Non, mais ouais. Après ça, tu peux t'habiller en fille autant que tu veux. Là. Tu les gardes, ces vêtements-là. Si tu veux être en fille, de même, tu fais ça tant que ça te tente. Mais c'est plus... C'est intéressant parce que c'est plus que, genre, l'habit fait le moine. Genre, c'est ça qui est comme... Tu sais, c'est pas tant, genre, ton genre qui est important plutôt que, comme, là, traditionnellement, il faut que tu portes ces habits-là. Fait que, ouais, c'est comme... Il y a comme plusieurs façons d'interpréter, là, mais je trouvais que la façon que c'était présenté, c'était assez intéressant. Encore, là, j'ai pas joué, puis j'ai juste regardé du monde, puis des critiques sur, comme, justement, la façon que les genres étaient présentés. Je me rappelle jamais, c'est quoi le nom de la ville? Mais c'est une ville, c'est une ville vraiment particulière qui, comme... Je suis pas rendu là, je suis un peu, ben je veux pas dire bloqué, là, mais comme, il faut que je trouve des, ils m'ont donné des photos, il faut que je trouve les endroits, puis c'est comme, ben c'est pas facile. Mais t'es pas obligé de faire ça, t'as jusqu'à la fin pour le faire. Gerudo Town, c'est ça. Ben, il faut, j'ai comme pas d'autres quests. Non, il y a pas d'autres quests. Ah! C'est ce que tu veux. Ah, ok. Je veux dire, il va en avoir d'autres, là. Tu peux... Il y a un truc principal, éventuellement. Ben, c'est ça. C'est comme, c'est une quest qui est super open, fait que tu es comme, ben, je me promène, puis j'explore des endroits, puis ouais. Je sais pas trop où aller, mais c'est comme... Il y a comme les peintres, le monsieur peintre qui se téléporte partout où est-ce que je me téléporte, qui donne des indices, là. Il est comme genre, ah, ouais, cette photo-là, je pense que c'est à tel endroit, mais tu sais, il donne une description assez floue, là. Il dit, va dans l'ouest, puis check sur ta map un endroit qui s'appelle Truc Binouche, le passage machin. Ben, ok. C'est vrai qu'il y en a des difficiles, mais au moins ça te donne des détails sur qu'est-ce qui se passait avant. Ouais. C'est quand même amusant. À date. Dans lequel il y avait des explosions, puis la princesse était comme un dinde sur une autoroute. Avec des grands yeux à pas savoir quoi faire. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tout le monde était comme, princesse, vite! Nous devons agir, nous devons partir à l'action. En tout cas. Fait que, ouais, j'ai joué à ça. Sinon, ben, Heroes of the Storm a sorti un gros update. Ils ont changé les règles assez fondamentales du jeu. Je sais pas si je veux me lancer là-dedans. C'est quoi? C'est genre un espèce de gros revamp pour attirer du monde? Ou c'est-tu parce que c'était brisé? Non, c'était plus comme un feeling que le jeu donnait, puis là ils ont décidé qu'ils voulaient changer, ils voulaient essayer de changer le feeling. Ok. Spécifiquement comme, ok, bon, c'est un Heroes of the Storm, c'est un MOBA, donc il faut que t'amènes des minions, puis que tu pètes des towers pour ensuite aller péter le coup. L'affaire c'est que les towers en question, par défaut ils Si t'es proche, ils vont te tirer dessus, puis ils font vraiment mal. Mais s'il y a des minions, ils vont tirer ces minions à la place. Mm-hmm. Fait que le truc, c'est que t'amènes tes minions jusqu'à la tower, puis là, ben, la tower va te tirer minions. Fait que toi, ça donne le temps de taper sur la tower, péter. Puis là, ce qu'il disait, c'est que genre, ouais, mais tu sais, des fois, t'es un bonhomme, puis là, il y a un ennemi qui te court après, puis t'aimerais ça pouvoir aller en dessous de ta tower pour être protégé. T'aimerais ça te sentir protégé par tes towers, parce que c'est pour ça qu'ils sont là, finalement. Mais en réalité, les towers, vu qu'ils targetent les minions, ben, ils protègent pas tant que ça. T'sais, t'es comme, il y a un ennemi qui me tape dessus, je vais mourir, puis la tower est en train de tuer un stupide minion au lieu de tirer sur l'ennemi. Fait que là, ce qu'ils ont changé, c'est que les towers vont cibler les ennemis en priorité s'ils t'attaquent. Fait que s'ils attaquent les towers, c'est correct. Mais s'ils t'attaquent un joueur, là, les towers sont comme genre « Alerte rouge! Tu as attaqué un joueur! On te pète la gueule! » Puis là, ils tirent dessus. Hmm. Fait que c'est cool. Puis ils ont aussi changé le core. C'est la patente à la fin que tu veux péter. Le core se défend plus maintenant aussi. Dans la même optique que Puis, ça, c'est quand même cool, c'est que chaque... Tu sais, Heroes of the Storm, sa particularité comparée aux autres MOBA, c'est qu'il y a plusieurs maps avec des règles complètement différentes puis des événements complètement différents. Il y en a quoi, une dizaine, douzaine de maps? Puis là, dans l'update, ils ont changé. Chaque map, le core, va se défendre d'une manière différente. Dans une map, il met de la glace, puis là, ben, ça va t'empêcher de bouger. Dans une autre map, ils vont tirer des boulets de canon. Dans une autre map, il y a des tornades qui tournent puis qui te poussent. Fait que ça te fait chier. Fait que comme les corps se défendent un petit peu plus. Ils ont sorti ça. Ils ont dit que c'était une tentative. Ils appellent ça des anomalies. Ils disent que ça va durer une saison. Si vous aimez ça, on le garde. Si vous aimez pas ça, on l'enlève. Mm. Prochaine saison. Puis ainsi de suite. Fait que c'est une manière intéressante. C'est la deuxième saison. Mali comme ça qui change les règles, puis ça fait varier, mais c'est un varié. Tu sais, je comprends pourquoi ils font ça puis qu'ils l'annoncent comme ça, c'est qu'ils peuvent, ils se donnent la possibilité de l'enlever si le monde l'aime pas. Au lieu de dire, ouais, comme un jeu que genre, tu fais, voici la mise à jour, aimez-la. Là, les gens chialent, puis là, t'es comme, oh shit, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va l'enlever? Puis là, si on l'enlève, là, les joueurs vont chialer qu'on l'enlève, fait que là. Alors que là, on disait, ben, on essaye, on met ça dans le jeu. Au pire, c'est juste une saison. Donc, quoi, 3 mois. Puis, si vous aimez ça, ben, on le laisse. Puis, l'autre changement, il avait fait un changement sur l'expérience. Comment tu gagnais ton expérience. Puis, ça, c'est resté dans cette. Sinon, ben, il y a d'autres cossins qui ont changé. Là, tu peux faire tes builds dans le jeu. Pas avoir à les checker sur Internet. Plutôt, tu peux les checker sur Internet, puis après ça. Les mettre dans le jeu. Puis là, t'as pas besoin d'avoir un deuxième écran. Checker ton build. Mais bon, c'est des détails de MOBA, là. Je pense ça, puis ça intéresse personne. Mais devriez jouer à Storm avec moi. Et mon frère et ma sœur. J'aime pas ça, les MOBA. Ouais, bon. Je comprends pas pourquoi ça prendrait comme deux écrans. Ben, tu veux ton deuxième écran pour avoir un site web qui... Quoi choisir comme talent? Ouais. OK. Ben, tu peux le mettre sur ton téléphone aussi. Moi, c'est ce que je fais parce que j'ai juste un écran. Puis avant, tu pouvais pas le mettre sur ton téléphone? Non. Parce que... Avant et maintenant, tu peux... Tu t'ouvres le site web du wiki des gens qui ont dit « Voici le meilleur build avec tel bonhomme. » Ou « Voici deux, trois builds différents possibles, puis tu peux choisir. » Bon. Mais là, ça demande soit d'avoir un deuxième écran pour ouvrir le web pendant que tu joues, ou un téléphone, ou quelque chose. Pour... Là, ce qu'ils ont rajouté, c'est que dans le jeu, tu peux rentrer les builds. Tu peux dire « Pour moi, ce bonhomme-là, je fais mon build... Le premier, level 1, je veux ça. Level 2, je veux ça. Level 4, je veux ça. » Bon. Puis là, tu le rentres comme ça. Fait que quand après ça, t'es en train de jouer, t'as pas besoin de regarder sur un autre écran parce que là, c'est dans ton interface où est-ce que tu choisis ton talent. Il met un petit cœur dessus. Ah, OK. Tu mets ton favori. Genre, au niveau 4, mon favori, c'est celui-là. Fait que là, quand t'arrives niveau 4, t'ouvres ton menu, puis là, il y a un petit cœur, tu fais comme « OK, j'ai pas besoin de réfléchir, je vais juste cliquer sur celui qui a le petit cœur, puis let's go. » Sinon, t'es obligé de tout te rappeler par cœur. Ouais, ben c'est ça. Ou de choisir on the spot. Moi, pendant longtemps, je jouais en choisissant on the spot, puis je me faisais mon build dans ma tête. Puis là, un moment donné, mon frère était comme « Bon, là, si tu veux sortir de bronze un jour, tu vas aller sur les internets. » Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a des gentils nerds qui ont tout calculé, les habilités et les talents et les pourcentages de damage que ça fait, et qui te disent c'est lequel le meilleur build. Alors, tu remercies les gentils nerds et tu prends les builds qui sont recommandés au lieu de faire n'importe quoi, n'importe quand, comme d'habitude. Ouais. Ouch. C'était pas une critique, c'était une suggestion. Mais c'est vrai que j'étais encore pogné dans le bronze, mais c'est pas de ma faute, je joue avec des nullos. Oh my god, Narf est rendu un douchebag de multijoueur. Oh my god, je l'ai tellement entendu, ça. C'est pas moi, c'est tous les autres. Oh my god, tous les estis de gens qui jouent à Call of Duty font juste dire ça. Oh, quand les God. Autres ils meurent, c'est parce qu'ils sont poches. Quand moi je meurs, c'est parce que c'est de la bullshit là, tu sais. Les genre, autres sont poches. Je peux prévoir ça. Non, là, non, c'est comme... non. Moi je sais que je meurs parce que je suis poche. Oh my God. Tu sais, je m'en vais quelque part, puis là, il était toute l'autre équipe était là, puis là ils me sautent dessus, puis ils me tuent. Puis là j'étais comme, ouais, qu'est-ce que je suis allé faire là dans le fond. C'est comme, that's on me. C'est comme si tu t'es pointé au Black Friday pis t'avais aucune chance. Ouais, pas mal. Fait que, ouais, c'était ça que j'ai joué cette semaine. Toi, Marie, t'as pas parlé beaucoup. Ouais, mais... Moi, ça me prend pas plus que 7 minutes pour expliquer le jeu que j'ai joué cette semaine, fait que... Mais là, t'en as plein. Ah, c'est vrai que j'en ai plein, par exemple. Du coup que je parle. Je pense que j'ai toujours pas parlé de Danganronpa 2, je pense qu'on pourrait éclairer ça. C'était vraiment le fun. J'en avais-tu parlé? Je suis sûre. C'est tout? Non. C'était vraiment le fun. Danganronpa 1, j'en avais déjà parlé, là, dans le fond, c'est l'espèce de jeu que t'es un paquet d'étudiants du secondaire qui se font comme enfermer dans l'école secondaire par un animatronique ours machiavélique qui leur dit « Faut que vous vous entretuiez si vous voulez sortir d'ici. » Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Vaguement. C'est le 2 de ça. Là, au lieu d'être dans une école, t'es sur une île déserte, parce que t'es supposé être allé comme voyage scolaire. Mais là, t'arrives là. Faut encore qu'ils s'entretuent toutes. Ouais, fait que t'as l'ours machiavélique animatronique qui leur dit « Haha, si vous voulez sortir d'ici, faut que... » Dans le fond, comme l'espèce de but, c'est que Il y a un étudiant qui réussit à tuer un autre étudiant sans se faire pogner, puis lui, il va être capable de sortir. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre, tout le monde fait une espèce de cours de justice maison, puis tout le monde fait sa propre petite enquête, puis là, genre, tout le monde s'accuse, puis tout le monde essaie de trouver qu'est-ce qui s'est passé pour être capable de décider c'était qui le meurtrier. Puis là, après ça, tout le monde vote. Puis là, s'il vote pour la bonne personne, ben, il se fait tuer par l'ours machiavélique. Puis s'il vote pas pour la bonne personne, ben, la personne qui était réellement le meurtrier, il peut sortir, puis toutes les autres meurent. Parce que c'est juste comme sadique pis niaiseux. Mais c'est genre, comme, c'est super animé japonais, là. C'est super, comme, gore, mais cute, avec genre plein de... Tous les personnages sont genre des tropes d'animé japonais, mais comme un peu poussé dans divers extrêmes vraiment bizarres, mais en restant quand même vraiment twisted, parce que comme, au début, t'es comme, ah, tout le monde a l'air chill, puis là, ben, ils commencent tout à s'entretuer. mais c'est intéressant parce que ça venait rattacher avec le 1, avec la continuité. C'est-tu les mêmes bonhommes? Non. Ok. Mais c'est, ben, en fait, le nounours machiavélique, c'est le même. Ok, parce que tu peux difficilement reprendre les mêmes bonhommes, j'imagine. S'ils sont tous morts. Ah! Bon, ok. Ah! Mon dieu! Spoiler! Et il s'en passe des choses. C'est fucké, c'est twisted. Mais ce que je voulais parler, en fait, que j'ai trouvé quand même vraiment très cool, pis c'est ça, je pense que j'avais le temps de mentionner l'autre jour, c'est quand tu finis, ils ont fait un island mode, ils ont comme fait un espèce de mode à part, parce que dans le fond, dans le jeu, t'as tout le temps des journées de lousse, comme avant que le monde commence à s'entretuer. Hein? Pis là, c'est Stardew Valley? Non. Oh. Pourquoi ça serait Stardew Valley? Ben, je sais pas, une île. Animal Crossing? Ah, ben non, mais c'est pas, ça se passe sur une île, là. Mais ça, c'est le genre de jeu que, avant que le monde commence à s'entretuer, comme tu peux passer du temps avec les autres étudiants, puis commencer à jaser, puis comme monter ta relation avec les autres étudiants, puis apprendre à les connaître, puis tout. Sauf que, ben là, les gens commencent à s'entretuer, fait que tu réussis jamais, comme, tu peux pas apprendre à connaître tout le monde, puis savoir c'est quoi, comme, les dialogues de friendship level de tout le monde. C'est comme Battle Royale, mais c'est aussi un dating sim. Genre, mais t'es date pas, tu deviens leurs amis, puis après ça, ça te donne des bonus dans le Battle Royale, dans le fond. Sauf que c'est ça l'affaire, c'est comme, ben ouais, un peu, mais c'est contrairement à un dating sim normal, c'est que là, mettons, tu dis, ok, là, elle, genre, je choisis cette fille-là, moi, je jase à elle, puis là, ben, elle se fait tuer, fait que tous les efforts que t'as mis pour monter son amitié, ça sert à rien, parce que là, elle est morte, puis t'auras jamais son bonus. Ouais, fait que là, tu changes de personne, puis là, ben, prochain tour, ben, c'est lui le meurtrier. Fait qu'il se fait tuer. Puis là, ben, toute l'énergie que t'as mis sur cette personne-là est gaspillée parce que c'était le meurtrier et qu'il s'est fait tuer. Fait que c'est un peu... Fait que tu peux comme pas réussir, mais comme justement pour pas que tu sois obligé de rejouer au jeu plein de fois pour voir les dialogues de tout le monde, ils ont fait un espèce de mode open où tu peux aller jaser avec tout le monde puis avoir leur dialogue. Fait que c'est ça, le Island Mode. Puis comme je trouve ça cool qu'il ait comme donné une option sans avoir à refaire l'histoire au complet pour avoir accès à tous les dialogues. Fait que c'est ça, dans le fond, ouais, comme dans le 2, comme dans le premier, t'es genre dans une école pis y a juste l'ours machiavélique, mais dans le 2, là, tu te retrouves sur une île déserte, pis au début, t'as un lapin qui a pas l'air machiavélique, mais qui est quand même une espèce de peluche animatronique, qui est comme, ah, oh, c'est votre voyage de fin d'année à l'école, fait que je veux que vous ayez du plaisir, pis que vous appreniez à vous connaître, pis que vous fassiez des amis, pis comme, après une couple de jours, c'est là que le nounours machiavélique arrive pis fait comme, non! Je veux que ce soit un voyage de meurtre. Il pète la gueule au lapin, puis il prend le dessus. Mais le Island Mode, c'est un des classiques qu'on voit dans les animés ou dans les mangas, qui s'appelle un if, ou un what if. Fait que c'est comme, what if le lapin avait pété la gueule du nounours, puis tout le monde avait juste vécu heureux et passé un beau voyage sur l'île. C'est comme la version, genre, la version joyeuse de l'histoire. Mais n'est-ce pas Stardew Valley, mais ils ont comme décidé de faire une espèce de truc de gestion de ressources. Parce que là, le lapin est comme, mais là, je veux que vous appreniez à travailler entre vous autres puis à coopérer. Fait que là, vous allez fabriquer des objets. Puis là, chaque jour, il faut que tu assignes chaque étudiant à une zone pour aller ramasser des ingrédients pour fabriquer des cossins. Puis fait que ça, j'ai pas trouvé ça super le fun. Ça devient un jeu de gestion. Ça devient Dwarf Fortress. Non, vraiment pas si compliqué. Là, c'est vraiment tout simple. Mais ça devient un peu un jeu de gestion, sauf qu'entre les journées de gestion, là, après ça, tu peux aller jaser avec les autres élèves puis en apprendre plus sur eux autres. Mais quand tu réussis des objets, elle donne des tickets pour aller faire des dates. Fait que là, au début, c'était pas des dates, t'étais juste des amis. Mais là, tout d'un coup, t'as des tickets pour aller, genre, sur une date avec la personne que tu choisis. Puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que. C'est pas très mutuel et consensuel, ça. Ouais, tu peux juste les dater si tu les as déjà maxés, point de vue amitié, fait que sont déjà tes super friends. Ah, ok. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu Mais ça peux te prend un inviter coupon. tout le monde. Oui, ça préoccupe pas. Mais tu peux inviter tout le monde, les gars comme les filles. Mais le personnage principal, c'est un dude. Mais tu peux inviter les gars dans des dates, puis comme. C'est un jeu japonais, fait que c'est sûr que, genre, comme l'homosexualité, c'est encore moyen. Mais j'étais surprise dans celui-là. En fait, il y a un personnage qui est bisexuel, puis qui s'avoue bisexuel, puis c'est un dude. Encore là, comme souvent, c'est genre, ah, oh, les filles, ça passe. Mais Ouais. comme le personnage horny, parce qu'il y a tout le temps un personnage horny, parce que c'est un trope d'animé, là. Fait que, évidemment, t'as 16 étudiants de secondaire, il y en a un dans la gang qui est super horny, puis qui arrête pas de saigner du nez. Mais il saigne du nez quand n'importe qui se déshabille, ce qui est déjà, comme, très cool. Ce qui est déjà, genre, excellent. Ok, ouais. Mais tout le monde a des réactions différentes face au fait que tu les invites dans une date. Puis ça, c'est tout le temps. Parce que là, t'es sur une île déserte, mais c'est comme un resort de vacances, là. Fait que, tu sais, comme. Il y a comme un parc d'amusement, il y a la plage, il y a comme plein de petites affaires que tu peux aller faire, tu sais. Il y a un cinéma. C'est comme bien équipé comme île déserte, mettons. Elle est pas très déserte, finalement, Non, cette île-là. non, Mais il n'y c'est a pas de juste une staff. île. Hein? Non, il y a pas Il de n'y a pas de staff. staff. Il y a OK, juste les bizarre. 16 étudiants. Puis les animatroniques bizarres. Ce qui fait comme aucun sens, mais en tout cas. Donc, elle est pas déserte! Ben oui. Ben oui, il était déserte avant que t'arrives, puis que l'ours y fasse comme vous êtes pogné ici, hein? Mais là, il a construit un cinéma en 2 jours? Non, il était déjà construit, puis le monde sont comme plus là. C'est comme. Une Ça fait île. C'est plus partie comme de. un parc. C'est plus comme un parc d'amusement abandonné Mais sur c'est un une île. resort. Fait qu'il y a tout. Privé, Ouais. plus. Parce qu'il y a le parc d'amusement, mais il y a plein d'affaires. Il y a un cinéma, il y a une salle de spectacle, il y a un hôtel, il y a un aéroport, il y a genre n'importe quoi. Mais Ouais, il n'y a parce que. pas d'autres gens. Il y Non. a juste la gang qui est allée. Il y a une épicerie full de bouffe. Tu sais pas comment c'est Comment arrivé là. qu'elle se rend. C'est n'importe quoi. Ah, oh, mais. C'est une Ah, oh, ça fable. fait Ça fait partie du fun puis du mystique. Ouais, ça fait partie du côté animé surréaliste, là. Mais non, ouais, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un comportement différent en date, puis c'est vraiment drôle. Tu sais, les filles sont comme, mais ça dépend où tu leur choisis, tu sais, où tu dis que tu veux aller, mettons, là. Puis ça, comme tout ça, c'est vraiment fucking long à unlocker, puis il faut faire le mot du cossin de gestion. Fait qu'en fait, je me suis tapé des heures de YouTube pour regarder les fins de tout le monde. Pour avoir la vraie fin de tout le monde, puis pour avoir les dialogues de tout le monde. Il y a quelqu'un, je me rappelle plus son nom, mais il y a un YouTuber vraiment cool qui a fait des vidéos avec. Tous les dialogues de chaque personne coupés, montés, c'est magique. C'est vraiment, vraiment apprécié puisque je me suis tapé fucking tout ça. Quand j'ai réalisé que le jeu de gestion était vraiment long, là, j'ai fait les dialogues de tout le monde, mais j'ai pas fait les dates parce que faut réellement que tu travailles pour, là. Puis j'étais pas prête à travailler pour. Mais c'est ça, j'aime beaucoup que, comme, tu sais, les filles vont être comme, genre, soit qu'elles sont contentes que tu l'amènes à cet endroit-là, soit qu'elles aiment pas ça, puis elles vont être comme, je trouve que c'était un peu une date poche, mais en tout cas, alright. Mais les gars T'es pas sont. obligé d'y aller. Ben, ils t'invitent, là, fait qu'ils sont comme. Non, Ben, elle y a peut pas. te dire. C'est pas consentant, là. Tout le monde est consentant, là. Y a personne qui Ouais, non, force le mais je bras à disais, personne, elle peut te dire. T'sais, c'est comme. C'est comme un jeu. Ça, c'est très jeu vidéo. C'est comme, ah, oh, mais on va aller là. Ah, ok. Ben, ça va être une date de merde. Puis tu vas avoir un score de cul. Puis là, t'es comme, dans la vraie vie, c'est comme, mais là, fille, pourquoi tu y as juste pas dit que tu là. Ah. voulais aller au parc d'attractions? On Ben, sera allé au parc d'attractions? c'est animé, là. Fait qu'il va tout le temps avoir une tsundere qui est comme, ouais, ça me tente pas vraiment, mais je vais y aller pareil, là. Puis à la fin, comme, pas, bah, c'était vraiment de la merde, là. T'es vraiment la pire personne que j'ai datée dans ma vie, là. Bye. Puis tu lui redemandes la fois d'après, puis comme, hein. Mais comme, ouais, ils ont des réactions qui sont quand même Mais appropriées, là. quelle espèce de choses qu'on Mais apprend dans la vie? ce que Parce je veux que dire, là, c'est que de un. les gars, ils font pareil. Ah, ok. Puis qu'il y a des gars qui Deux. sont comme, ouais, oh, c'était vraiment une belle date. C'était vraiment une belle. Un bel après-midi avec toi, là. Il y en a qui Mais. réagissent, genre, Was it a date? Was it not a date? Puis, non, au contraire, il y a des gars qui sont comme, Oh my god, c'était vraiment la meilleure date. Puis, je suis vraiment content que tu m'aies amené là. Puis, en tout cas, moi, genre. j'ai toujours voulu vivre une date comme ça. Comme, ils ont toutes les réactions, mais comme tous les gars sont genre 100% au courant que c'est une date. Genre comme, il y a pas de genre, « Hey bro, on va voir un film, bro. » Il y en a comme un qui fait ça, mais comme c'est quand même de façon awkward, de genre, je le sais que c'est une date, mais je vais genre... Je vais faire ça avec, non? Oui, c'est ça. Mais il y en a qui te critiquent aussi, comme si tu choisis pas la bonne affaire, il y en a un qui est comme, ben, c'est vraiment une mauvaise date, là, comme, franchement, tu dois pas pogner grand-chose avec ça, là. Mais qu'est-ce que ça apprend aux gens? La guillitude, genre, complètement assumée, m'a vraiment surpris pour un jeu japonais. Oui. Comme... Ça, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai vraiment... juste pour chialer, là, parce que c'est quand même assez cool, cet aspect-là. J'étais vraiment, vraiment surpris. Mais come on, les gens, là. Si vous vous faites inviter à une date, puis que ça vous tente pas, là, vous pouvez suggérer un autre endroit. Et vice-versa, si vous allez à une date, puis vous voyez que l'autre personne n'a pas l'air super enthousiaste, vous pouvez demander que... Ben, voudrais-tu aller ailleurs? En fait, c'est peut-être un peu... Ça se demande, ces choses-là. C'est peut-être un peu ça, ouais. Parce que je pense que s'ils aiment pas ça, tu fais juste comme partir tout de suite, là. Tu restes comme pas, là. Quand la personne est comme, « Ah, c'est vraiment poche, on s'en va-tu? » Puis là, ça fait juste faire comme, genre, fin, ta date a pas vraiment bien marché parce qu'elle a pas aimé ça, il faut que tu te reprennes. Une autre chose dans la vraie vie, qui, comme... En tout cas, c'est comme si les dates avaient un statut spécial par rapport à, tu sais, comme avec des amis. Si tu vas avec des amis, puis oui, tu allais dans un bar et que ça te tente pas, ben vas-y pas, ou suggère un autre bar, ou suggère d'aller ailleurs faire d'autres choses. Mais... Si vous arrivez là, vous voulez aller là, puis que c'est plate finalement, ben allez-y pas, puis sortez, puis allez faire d'autres choses. Comme... Bon, mais dans la mécanique gens, du c'est jeu... C'est pas un film, c'est pas une comédie romantique, là. C'est la vraie vie. Il n'y a pas une robe de princesse qui va apparaître au bout, là. Non? Ah. Ben, je pensais que j'avais juste pas été dans la bonne date. C'est comme, ah, oh, la bonne personne, c'est celle qui peut mettre le soulier. Comme, non! Ça, c'est l'autre affaire. C'est comme, une date. Le mot, une date. C'est juste une date. C'est juste une date dans ton calendrier. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous galant. Ben, avec un rendez-vous avec tes amis, là. C'est comme mais si tu disais à tes c'est... amis, genre, « Hey, on va-tu au cinéma? On va-tu au musée? On va-tu au théâtre? » Non, mais quand t'es deux, c'est comme pas le même game. Avec tes amis? Ouais. Parce que là, le monde sont pas sûrs si c'est une date. En tout cas, ça dépend à quel point t'es ami avec, là. Mais genre, si t'es pas trop ami avec quelqu'un puis tu proposes d'aller au cinéma tout seul avec, là, tout le monde est genre, « Fuck, c'était une date? C'était pas une date? C'était une date? » Mm-hmm. Oui, c'était une date. C'était une date. C'était un rendez-vous. Nous avons fait une activité commune. Et nous avons discuté. Mais bref. Ouais. Hein? J'allais dire qu'ils peuvent pas juste comme faire que le personnage te dit honnêtement qu'il veut pas aller au parc d'attractions, blablabla, parce que peut-être. Faut que dans le jeu, tu puisses aller à toutes les places avec toutes les personnes que tu veux et que si ça a à faire de la merde, que ça fasse de la merde. Sinon, ça va être comme, ah, ok, mais cette personne-là, il veut juste aller à 3 places sur les 7, donc il y a 4 places que les créateurs voulaient pas faire de contenu. Genre. Ça va juste faire ça. Mais il faut que tu puisses te faire dépenser des tickets de aussi. Mais c'est ça, mais c'est une mécanique de jeu aussi, parce qu'il faut que tu puisses te planter comme ça, il faut que tu retournes acheter des tickets pour pouvoir aller dans des dates, mais là, changer de place. C'est l'équivalent de foncer partout en auto dans GTA. Tu peux faire ce que tu veux et c'est drôle. Non, c'est plate. Mais pourquoi le jeu te laisse faire des trucs plates? Au final, si tu réussis, t'as la récompense d'avoir comme une finale avec la personne que t'as choisi de dater, qui est comme vraiment romantique sur le bord de la plage, à la genre, voyons, au crépuscule. Puis peu importe qui t'as choisi, t'as un moment vraiment cute au crépuscule sur le bord de la plage. Puis c'est juste genre, c'est juste fucking parfait. C'est genre so gay. Mais c'est... qu'ils s'embrassent, genre? Non, non, non, mais c'est juste du texte, là. Mais c'est tout le temps comme... Ah, mais qu'on sorte d'ici. J'aimerais vraiment ça, faire telle activité avec toi. Mais c'est parfait, parce que les gens au Japon, ils peuvent pas dire, genre, il y a de l'homosexualité dans ton jeu. Puis les gens dans le restant du monde sont genre gay! Mais les gens au Japon aussi, là. Eh oui! Tu sais, le concept de BL, Boy Love... Oh non, je sais bien. Mais en fait, ouais, le Japon, c'est moins pire, mais là, j'ai commencé à jouer à Mystic Messenger, en fait, puis j'ai fait la seule finale lesbienne de Mystic Messenger, puis ça, c'est un jeu qui est coréen, qui vient de la Corée du Sud, puis oh shit, j'ai pas eu mon bisou. Je suis un peu mad, mais il aurait pas pu mettre de bisous. Tous les autres personnages t'embrassent quand tu réussis leur fin, là. Tous les dudes. Mais parce que c'était la fille, j'ai pas eu mon bec. Puis en fait, c'est ça, c'est le... En plus, c'est une des meilleures romances de Mystic Messenger parce qu'elle est genre super respectueuse, puis super belle, puis super le fun. Mais ouais, j'aimais ça parce qu'en fait, il y a quelqu'un sur Itch.io qui a fait une fin pour la fin lesbienne de Mystic Messenger. Ça s'appelle Marry Me, Jaehee. Puis genre, tu finis avec, puis tu peux la demander en mariage. Puis il y a quelqu'un sur Itch.io qui a fucking genre patché le jeu. Mais tu sais, qui a juste comme rajouté un addendum de genre... Pour toutes les gens qui, genre... Parce que, comme, on le sait, en Corée du Sud, ça n'aurait pas passé. Ça n'aurait juste pas passé. Mm. Donc, il y a quelqu'un qui a juste décidé de le dessiner, puis de le programmer. De faire comme, allez ici, pour toutes les gens qui voulaient, genre, un happy ending. Puis là, on va apprendre que la personne qui a fait ça, c'est un faux nom, un pseudonyme, puis la personne derrière, c'est... Le scénariste du jeu, pour vrai! Peut-être. Mais il y a beaucoup de jeux comme ça sur Steam, hein? Des jeux qui peuvent pas mettre le contenu qu'ils veulent. Puis non officiellement, sur le forum du jeu, il y a bizarrement une patch qui unlock toutes les affaires illégales ou Borderlands. C'est pas juste pour la nudité, ça? Ça peut. Parce que moi, je l'ai fait pour Honey Pop, là. J'ai totalement patché Honey Pop pour ne pas voir que des bobettes. Mais... Ah, mais ouais, ça... Mais non, il y a des jeux qui... genre, c'est un jeu qui a l'air normal, que tu le prends sur Steam, sauf qu'en réalité, c'est parce qu'il a été prévu pour avoir une immense patch que tu vas trouver sur le forum du jeu, qui est souvent faite par le développeur, mais comme, tu peux pas vraiment remonter jusqu'à eux autres. Mais pourtant, comme Steam, il laisse passer à peu près n'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu peux faire qui est genre... À part de la nudité complète, là, qu'est-ce que tu peux faire que Steam va faire? Non. Ben, je suis pas certain. À moins que ce soit des trucs parce que, mettons, c'est des développeurs chinois ou... Il y a un jeu d'horreur qui avait... Il y a un jeu d'horreur qui a été banni parce que, genre, le gouvernement chinois a décidé de le bannir, là. Oh, fuck. C'était quoi? Parce qu'il riait du président de la Chine dessus. Wow. Mais comme pas... Mais pas... C'était super subtil, en fait, là. C'était un jeu d'horreur avec sa propre histoire pis tout, là. Mais t'avais une pièce avec un poster... avec une photo du président de la Chine qui le compare à Winnie the Pooh. Apparemment que le président de la Chine ressemble à Winnie the Pooh et Winnie the Pooh est complètement banni en Chine. Ouais. Parce qu'il est mad. Parce que les gens mettent genre sa face puis Winnie the Pooh puis ils font un merge puis... Le gouvernement chinois a banni Animal Crossing, Transient, pourquoi? Ben, il y a beaucoup d'affaires qui ont banni, en fait. Ouais. Je suis pas surpris. Mais comme les trucs de Winnie the Pooh, ça, je comprenais juste parce que t'as comme un président dictateur qui est juste comme angry. Winnie l'ourson. C'est peut-être parce qu'ils peuvent pas surveiller le contenu. Je pense que tu peux designer tes vêtements puis les envoyer à tout le monde. Fait que tu pourrais dessiner ce que tu veux dessus puis l'envoyer. Oui. Ben oui, c'est vrai. Ils font la police. Je pense qu'ils étaient pas bannis au départ, mais ouais, les gens ils faisaient des rassemblements. Ils peuvent plus faire des. J'ai juste vu un titre. J'ai même pas cliqué l'article. Fait que là, je vais faire ce que les gens disent de pas faire, mais je vais le faire pareil. Over Hong Kong Democracy Messages? Ouais. Ouais, c'est ça, des manifestations pour Hong Kong. Calice. Dans Animal Crossing, des manifestations virtuelles, puis des posters, puis des trucs comme ça. Évidemment. Ben, il y a des gens qui font des organes génitaux en poster avec le créateur aussi, là, fait que c'est comme... Oui, ben là. Ouais, mais ça, Nintendo essaie probablement de les enlever, là. Ben, mon Dieu. Non, parce que ton jeu, il est pas online. C'est comme... Ouais, les seules personnes que tu peux pas jouer online avec du monde random, faut que t'échanges tes friend code. Fait que faut que t'aies une conversation mutuelle. Faut que t'invites quelqu'un pis que les deux se connaissent d'abord. Master, les gens mettent leur friend code sur Twitter quand leur turnips, ils valent vraiment cher au marché ou quelque chose de genre. Je sais pas si t'aimes ça. Parce que tout le monde, les prix... Vous voulez vendre vos turnips ici? Oui, c'est ça, parce que les prix du marché sont random pour tout le monde. Fait qu'il y a des journées chez qui les navets valent vraiment cher chez quelqu'un en particulier, comme ça dépend comment t'as été chanceux avec ton RNG. Fait que genre, quand les gens pognent un esti bon RNG, ils mettent leur code sur Twitter pour dire comme « Tout le monde, venez vendre vos turnips chez nous. » Comme si Animal Crossing n'était pas assez déjà une simulation du capitalisme. Mais non, c'est ça, c'est tellement comme si genre l'euro vaut cher en ce moment, fait que là tu transfères tout ton cash. Non, c'est l'inverse, tu revends tous tes euros, en tout cas. Bref, c'est comme si c'était différents pays, mais c'est ça, c'est différents pays et différentes économies. Oui. Tu peux miner des turnip coins. Oh, tabarnak. Ça serait drôle en maudit. Hey, là, faut arrêter ça, ce podcast-là. Là, c'est mais... pas un friend code, c'est un dodo code qui est un one-shot use. Ah, c'est vrai. Oh. C'est vrai, j'avais vu que c'était un dodo code, je savais pas c'était quoi la différence, ça veut dire que c'est un one-shot use. C'est intéressant, c'est quand même. Fait comme ça, justement, t'invites pas n'importe qui. Tu t'invites à chaque fois. Non, mais c'est parce que ça, si tu le fais quand c'est des rando puis que c'est juste aujourd'hui que tes prix sont bons. Quand c'est tes vrais amis, là, tu mets un vrai friend code puis il peut venir quand il veut, mais comme ça, ça fait que les rando, ça fait qu'un coup que t'ouvres la porte à un rando, il peut pas juste tout le temps retourner chez vous. Je trouve ça cool, en fait. Parce que tu peux donner des permissions à tes amis, tu peux leur dire qu'ils peuvent rien toucher, mais tu peux aussi leur dire que... Je sais pas, Dranzia, il a l'air de dire que c'est la seule manière d'inviter du monde. Non. Tu peux inviter tes amis puis leur donner le droit de genre bûcher des shit puis déplacer des roches, puis c'est toi qui choisis un peu comment ils peuvent modifier ton île. Pas le droit de... Ouais. All right. Nice. C'est le temps de finir ça, ce podcast-là. Fait qu'à moins que vous ayez le mot de la fin très très vite. Moi j'en ai un petit mot de la fin. La pièce de théâtre, la comédie musicale de sexe illégal qui s'appelle Donovan Ice-toi. Ok. Est disponible sur leur... Oh, je pense que c'est juste sur leur Patreon. Ah. Oh. Mais peut-être qu'elle est gratuite sur leur Patreon. En tout cas, je n'ai écouté le deux tiers. Ça commence un peu weird. J'étais pas sûr que j'allais aimer ça. Puis finalement, c'est complètement cave, pis c'est super drôle, pis c'est super nice. Donovan, est-ce toi? Oui! Bon. Il y a de l'air heureux, Donovan. C'est surtout que tu comprends pas pourquoi ça s'appelle comme ça avant, genre, la moitié de la pièce. Ok. Oui. Pis là, ils font un petit love Michel. En tout cas, fait que vous irez checker ça. Ça, c'était mon mot de la fin. Sweet. Avez-vous des petits mots de la fin? Je vais continuer à jouer à Mystic Messenger. Si c'est le genre de jeu, parce que ça, c'est un dating game qui demande énormément de temps dans votre journée. Fait que si vous avez vraiment rien à faire en ce moment, là, c'est le moment parfait. Parce que ce jeu est incompatible avec avoir une job. Fait quoi, je vais juste vous rappeler que si ça vous intéresse, elle existe. Mais si votre santé mentale va pas très bien, puis que genre vous vous attachez émotionnellement trop facilement, c'est pas le bon jeu pour vous. C'est vraiment un jeu qui joue avec tes émotions. Fait que ouais, je vais continuer là-dessus. Parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça tellement fascinant comme game design, parce que comme le jeu t'oblige à interagir avec plusieurs fois par jour, puis vraiment régulièrement. Ouais. Mais comme l'attachement que tu te fais avec le personnage, on dirait qu'il est pire parce que t'as investi du vrai temps dedans. Comme beaucoup dans ta journée, genre. Mm-hmm. Ben oui. Contrairement à comme jouer constamment pendant un laps de temps, là, comme tu passes ta journée à comme tout le temps checker. Même si tu joues pas longtemps, tu checkes tout le temps. Fait que comme si jamais ta game a chié, ou que le personnage te rejette parce que t'as chié quelque chose ou whatever, ça fait vraiment plus mal! C'est vraiment fascinant, point de vue game design, à quel point, genre, ça, c'est tristement un simulateur de torture, là. Mais genre, c'est vraiment efficace! Là là. Je trouve ça fascinant! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est cool. Fait que... Blob, t'avais-tu... Blob, t'as juste plus, je te dis quoi? Ben... Non, moi, j'ai pas de mot de la fin. Je peux choisir un mot aspirateur. Ah! C'est excellent bien, choix. En choix. Excusez. Ça, c'est la joke de imitation je sais plus qui imitait Jean-Luc Mongrain, en tout cas, à part de loin. Ouais, si vous voulez vous abonner à cet excellent podcast pour avoir plus de jeux de mots de qualité. Hey, on en a pas fait beaucoup à ce soir, là. Vous avez eu un moment où vous étiez vraiment en feu. C'est quand on parlait de musique. De jeux de mots poche? Ouais, je me rappelle plus. Bon, mais mettons que vous voulez plus de whatever, qu'est-ce qu'il y a dans ce maudit podcast-là. Genre nous. Ah, peut-être que dans le fond, c'est ça. Peu importe les sujets, c'est nous que vous aimez. Oh. C'est fin. Ben, vous pouvez vous abonner. On est sur Apple Podcasts, YouTube et Twitch. Vous pouvez aller sur notre site web, onajustunevie.ca, pour checker tous les liens. Vous pouvez aussi nous envoyer des emails si vous avez des messages à nous envoyer. Surtout des jokes. On aime ça, les jokes. Et jeux de mots poche. Si vous voulez sinon jaser avec nous, vous pouvez le faire sur le Discord. On est... je vais mettre le lien dans le chat. D'ailleurs, merci à toutes les actions qu'il y avait dans le chat à soir. C'était très. Et on se retrouve... merci. Oh, merci à vous deux d'avoir été là avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que... On a juste une vie.